Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 38. Je procède au rappel de notre émission. Vous pouvez nous écrire sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur le réseau social gab.com. Le seul réseau social aujourd'hui qui ne censure pas, ce qui est quand même un avantage certain, surtout au vu de la restriction de plus en plus drastique de ce qui peut être dit sur Internet. Enfin, vous pouvez rejoindre le forum Europe Écologie Les Bruns pour commenter les articles qui sont publiés sur démocratie participative ou participer à diverses discussions. Donc eelb.su, eelb.su. Avant de remercier nos donateurs, je vais présenter les membres de cette semaine. On a une équipe assez large, c'est bien. Je commence avec Pierrot. Salut cher Pierrot, comment vas-tu? Bonjour Donalf, bonjour à tous, ça va très bien, je te remercie. Et de retour avec nous pour cette émission MacDav, j'espère qu'il va très bien MacDav. Je suis en pleine forme. Bonsoir à tous, amis fascistes. Fulbert nous fait le plaisir d'être avec nous comme chaque semaine. Salut Fulbert, la pêche? Oui, la pêche, merci. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Est aussi avec nous cette semaine Diabolix. Comment vas-tu Diabolix? Bien, très très bien, tout va bien. Tout est merveilleux. Si c'est merveilleux, alors c'est le top. Est aussi avec nous cette semaine Alex. Comment vas-tu, cher Alex? Salut Gandalf, ça va, merci. Et enfin, est présent avec nous, tu nous gâtes, hein, cher cardinal, Derek, hein, qu'on ne présente plus. Par contre, on présente de plus en plus tes fidèles, hein, qui s'illustrent de manière extraordinaire. Et cette semaine, encore une fois, eh bien. Dans les temps messianiques. Oui. Hein, voilà, il arrive, il est là, mais il va encore arriver. Hein, préparez-vous, si c'est pas déjà fait. Les temps Mashiach arrive. Mashiach arrive. Alors, oui, avant de commencer donc l'émission en tant que telle, je vais remercier nos donateurs qui se sont manifestés. Cette semaine, il y en a beaucoup qui nous font des dons, hein, comme vous le savez, parce que vous pouvez nous soutenir financièrement, c'est grâce à vous, hein, qu'on peut continuer, site, émission, forum et tout ça. Donc uniquement les dons en Monero, crypto-monnaie Monero, qui est la seule crypto-monnaie qui garantisse l'anonymat des donateurs, comme de ceux qui reçoivent de l'argent, et croyez-moi que dans les années à venir, ça sera particulièrement utile. Donc n'hésitez pas à vous familiariser avec l'usage d'une manière générale des crypto-monnaies, mais plus particulièrement de Monero. Et comme vous le savez, maintenant, ça fait un bon moment qu'on recourt à cette monnaie. Et c'est grâce à cette monnaie, cette crypto-monnaie, qu'on peut se financer très loin du regard de Jéhovah. Hein. Donc c'est appréciable. Alors, donateurs de cette semaine qui se sont manifestés. Premier donateur, c'est un couple, hein. Bonsoir, ma copine et moi-même vous faisons ce don pour vous remercier de votre excellent travail, autant sur le site que sur l'émission que nous prenons plaisir à écouter chaque semaine. Hitler était un homme de bien et avait raison. C'est signé S et L. Alors merci à S et L de leur soutien. C'est toujours, toujours sympa, hein, il n'y a pas de problème. Surtout que c'est un jeune couple. Enfin, je pense qu'ils sont jeunes, je présume. Deuxième don, c'est Fantôme qui se manifeste aussi. Un don de 0,6 Monero. Il nous a dit qu'il n'y avait pas particulièrement de message, si ce n'est qu'il avait une pensée pour Hervé Ryssen. Alors on en parlera en fin d'émission, hein, d'Hervé, qui entame sa troisième semaine de détention. Il est à Fleury-Mérogis et il a été placé à l'isolement. On va y revenir. Donc merci à nos donateurs, aussi à ceux qui nous soutiennent chaque semaine sans se manifester. On a comme ça des mécènes qui, depuis un bon moment maintenant, ben, sont là pour que l'aventure continue. Merci à eux. Hein. Alors messieurs, commençons cette émission avec notre première rubrique, témoignage qu'on retrouve sur Europe Écologie Les Brins. C'est aussi l'avantage d'avoir un espace de discussion, c'est qu'on reçoit des témoignages de première main comme ça. Et alors là, c'est un participant qui s'appelle The Well, donc en anglais ça veut dire le puits, et qui, à la faveur d'une discussion qui avait été lancée par un jeune homme qui a eu une rixe, enfin qui a échappé à une rixe avec des maghrébins alors qu'il avait un rancard amoureux, eh bien réagit et donne une anecdote tout à fait intéressante. Donc d'ailleurs j'invite les participants au forum, ou ceux qui auraient des témoignages de leur vie quotidienne, enfin, sans trop rentrer dans les détails, hein, je veux dire, vous ne donnez pas nécessairement les endroits où ça se situe, ou des prénoms, ou des choses comme ça, mais vous pouvez, comme ça, partager votre vécu. Les autres personnes en retirent toujours quelque chose, quoi. Et j'aime aussi les partager avec vous, bien sûr, lors de l'émission. Alors, comme The Well a partagé son témoignage sur Europe Écologie Les Brins, bah, je me suis dit, bah, on va le citer à l'antenne, c'est intéressant. Et puis c'est drôle, franchement, c'est marrant, quoi. Alors on va parler un peu des femmes, hein. La thématique de ce courrier, c'est les femmes, en fait. Les rapports entre les hommes et les femmes, et vous allez voir que ça fait le lien avec la rubrique suivante, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, voici commence le témoignage. Alors, ce fil, donc le sujet, hein, qui avait été lancé, qui est un peu impudique, me donne envie de raconter ma vie à moi aussi. Bon, on est dimanche, l'apéro, plus le vin, plus le digestif, me rend un peu volubile, mais je n'exagère rien, je le jure. Je vais vous raconter l'une de mes tranches de vie, du vécu pur sucre, anecdotique au possible, mais très éclairant sur les relations hommes-femmes à l'aube de ce 21e siècle maudit. Il y a quelques années, j'ai eu le malheur de sortir avec une femme contemporaine. Femme, pas vraiment. Une jeune femme, disons. Elle, une bombe, une 9-10, la femme trophée, blonde, une vraie blonde, aux yeux bleus, grande, forme parfaite, visage superbe, très friqué, donc sa toilette était toujours impeccable. En un an, je ne l'ai jamais vue porter deux fois la même tenue. Idiote au possible, relire les femmes savantes de Molière, sans aucune pudeur. Alors là, je quelques petits détails, prétentieuse et stupide. Elle avait 18 ans et moi 10 de plus. Elle savait être très provocante sans jamais tomber dans la vulgarité. Issue d'une famille bourgeoise ultra raciste, et moi-même n'ayant jamais caché le mien de racisme, son jeu à cette petite pute était de faire comprendre aux crouilles que la porte était ouverte pour créer du conflit. La porte n'était bien sûr pas ouverte, mais elle ne m'avait pas choisi par hasard. Moi, un arien sûr de lui et dominateur, sans aucune pudeur vis-à-vis de la violence physique, raciste affirmé, puant la violence, je dois bien le reconnaître. Bon, cocu jusqu'à la moelle durant cette période, vous vous en doutez bien, que des blancs, c'est important. Disons que j'étais l'officiel de cette galante. Donc, on mélange le tout et vous avez deviné. Des embrouilles à n'en plus finir. Une soirée particulière, très marrante. Bar, resto, bar, boîte, on prend le petit-déj au petit matin dans une baraque à frites. Pendant toute la soirée, elle m'avait mis en compétition avec une foultitude de bougnoules, car nous étions fâchés, plus ou moins. Pas de baston, je gère tranquille. Je suis une masse très intimidante, donc pas besoin de se battre. Au petit matin, à la baraque à frites, surgit un nègre magique. Laid, des pustules plein la gueule. Il commence à lui caresser les seins. Elle panique, normal. Me regarde dans les yeux pour me dire « Tu ne fais rien ?» Apeuré. Moi, je rigole. Laisse faire 2 minutes, puis dis au nègre « C'est bon, casse-toi. » Il s'exécute. Elle a eu peur. J'ai retourné son petit jeu contre elle. Et je l'ai bien baisé juste après. Suis-je un vicieux ? Sans doute. Mais les relations hommes-femmes, c'est ça. Alors bon, c'est une tranche de vie, hein, voilà, ça. Il y a du relief, hein, il y a du relief, c'est pas du chiquet. Alors bon, voilà, comment dire, je crois que cet épisode résume à peu près, explique à peu près le rapport des femmes entre 18 et 35 ans à l'immigration. Hein, dans l'immense majorité, pas toutes les femmes, mais beaucoup des femmes, et en tout cas celles qui se manifestent en faveur de l'immigration, de la diversité, de la tolérance, en réalité font ce que fait cette femme, mais à l'échelle du pays, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une mise en compétition avec les mâles marrons. Hein, voilà, vous l'avez bien compris. Et alors là, c'est un exemple extraordinaire, mais c'est de la psychologie appliquée, je trouve ça intéressant. Alors, qui a envie de réagir sur ce témoignage, sur tel ou tel point, peut-être ou même citer vous-même des expériences un petit peu similaires que vous avez connues. Qui veut prendre la parole ? Écoute, moi, il m'est arrivé une chose il n'y a pas très longtemps. Je mangeais un sandwich, alors, j'étais non accompagné, hein, vraiment, et je mange un sandwich dans le centre-ville d'une ville de l'Est très connue. Et en face de moi se met un nègre avec une blonde, pas 9 sur 10, mais très jeune, quoi, la vingtaine, moi je suis plutôt un trentenaire. Et je regarde le nègre, me regarde comme s'il avait un trophée, en fait. Et me dit visage du regard, alors, je regarde aussi. Et il était très content d'afficher sa blonde en face de moi. Il était content, il avait eu un trophée. Alors je pense que c'était une pauvre gamine avec un CAP coiffure. Hein. Mais visiblement, il tenait à me montrer qu'il avait réussi à dégoter une putain nègre. Ça lui plaisait beaucoup. Bah, j'en avais strictement rien à branler, mais ça lui plaisait énormément. Bah, disons que lui, il réagit, si tu veux, en tant que... Tu vois, ces gens-là, ils ont une conscience raciale très forte. Et le message qu'il t'envoie, si tu veux, c'est dire « T'as vu, je baise une de vos femmes, ça me fait bien plaisir. Regarde. » Tu vois ? Oui, oui, absolument, absolument, absolument. C'est pour ça... que notre camarade arrive à faire dégager les nègres par le seul ton de la voix. Bon, écoute, tant mieux pour lui. Moi, je ne suis pas à ce point-là. Bon. Félicitations à lui, quoi qu'il en soit, pour dresser les nègres. S'il a la technique pour les faire obéir, écoute, qu'il consulte notre éminence d'Eric. Je pense qu'on pourra réussir à faire des choses sympas. C'était sous un sujet, hein, les putains nègres. Hein, Mais il y a quelque chose de malsain. Hein. C'est toutes les femmes masochistes, je crois, se tournent vers ce genre de sous-race. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais, Alors, je précise que par chez moi, je ne vois que des cassos. Systématiquement, en dehors évidemment de la propagande qu'on se bouffe quotidiennement, les blondes que je vois, c'est pas des 9 sur 10 hein, avec des Africains. Hein. Généralement, ce sont des cassos qui ont déjà des enfants, qui sont grasses, qui sont très certainement au chômage ou au SMIC. Bon, c'est quand même pas le haut du panier. Donc, c'est pour ça que moi, si tu veux, comme tu le disais, je pense que la plupart des femmes, si tu veux, ne sont pas réellement intéressées par les Africains. Alors évidemment, elles prétendent le contraire, parce que voilà, il y a une injonction sociale à l'antiracisme. Mais dans la réalité, bon voilà, je veux dire, en ce moment, on est en pleine période de la loi bioéthique, qui ouvre des débats sur les dons du sperme. Il se trouve que les donneurs sont des Danois. Hein, voilà, et des Danois de souche, hein, qui mettent évidemment leur ethnie en avant. Bon, voilà. Voilà. Alors, chers amis, je vous propose de passer à la rubrique suivante. Alors, rubrique numéro 2, miracle, miracle de l'éther nègre. Ça a fait la une, hein, en France, là, pour le coup, ça a même fait la une des médias internationaux. C'est une affaire qui a défrayé la chronique. Je veux parler de la libération de cette humanitaire française, Sophie Pétronin. Mais vous allez voir que Sophie n'existe plus. Vous allez comprendre. Mais avant cela, je vais vous livrer l'article qui résume les faits pour nos auditeurs qui auraient pu manquer tout ou partie de ces faits. Voilà, je vous livre un article de la presse mainstream. Ça doit être BFM. Alors, l'humanitaire française avait été enlevée en décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali. Donc, le Mali est un pays musulman, hein. Noir et musulman, au sud et au nord, il est arabe ou berbère et musulman. Enfin, tout le monde est musulman là-bas. Donc la dernière otage française dans le monde a été libérée ce jeudi. À peine arrivée à Bamako, Sophie Pétronin, la Française libérée au Mali avec trois autres otages maliens et italiens, a déclaré ce jeudi son intention de retourner à Gao, hein, dans le nord du pays. Elle souhaite s'assurer que l'organisation d'aide aux enfants qu'elle dirigeait avant d'être enlevée, il y a 4 ans, continuait à fonctionner convenablement. Je vais aller en France, en Suisse, et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici, a-t-elle dit dans une rencontre avec des journalistes à l'ambassade de France à Bamako. J'ai pris l'engagement pour les enfants, ça fait presque 4 ans que je n'ai pas vu comment se déroulent les programmes, a-t-elle poursuivi en invoquant les actions de son organisation contre la malnutrition et en faveur des enfants orphelins. Elle s'est dit heureuse d'avoir appris que son assistant avait pu prendre la relève en son absence. Il faut quand même que j'aille jeter un œil et les saluer parce que j'ai pris cet engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout de votre engagement. Sinon, vous avez perdu votre raison d'être sur cette terre, a-t-elle expliqué. Donc, faut priorité. Son fils Sébastien Chado, arrivé mardi à Bamako et présent à ses côtés, a réfréné son ardeur en disant que cela se ferait en toute sécurité. Attends-toi à ce que je cadre certaines choses. Tu n'iras pas où tu veux, a-t-il dit après s'être beaucoup investi en sa faveur. Visiblement pas assez. Elle a par ailleurs dit n'éprouver aucune colère. D'accord? Donc, dans un entretien distinct avec l'agence France Presse et Radio France Internationale, elle a dit faire partie de la famille gaoise, donc de Gao, bon, le bled en question, et esquisser une vision dédramatisée de ce qu'avait été sa captivité. Le temps lui a paru un peu long. Et alors, je cite, mais j'ai transformé la détention, si on peut dire, en retraite spirituelle. J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait et j'ai pas résisté. Et puis voilà, je m'en suis sorti, a-t-elle affirmé, se disant en pleine forme. Donc, elle est en pleine forme. Cela se passait bien, l'air était sain, bon. Je me suis accroché, j'ai tenu, j'ai beaucoup prié parce que j'avais beaucoup de temps. Je me suis promené, j'ai bien mangé. J'ai bien bu de l'eau, hein. Elle a indiqué qu'elle pouvait écouter la radio et que ses gardiens, sur lesquels elle n'a pas fourni de précision, lui faisaient passer des messages ou des vidéos, comme l'une dans laquelle son fils lui disait « Tiens bon !» Elle lui a rendu hommage. « Mon fils est un battant, mais dans la famille, nous sommes tous des battants. » Elle s'est gardée de parler de ses gardiens comme de djihadistes. « Appelez-les comme vous voulez. » Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armés au régime, a-t-elle dit. Elle a invoqué des accords passés qui n'auraient pas été tenus et qui provoqueraient les hostilités actuelles. Donc, quelque part, c'est un petit peu de la faute. C'est un peu de la faute de la France. Alors, gouvernement et groupes armés trouveront le chemin pour la paix. Je leur souhaite, en tout cas, vivement, a-t-elle déclaré. Donc, Sophie ne s'appelle plus Sophie, elle s'appelle maintenant Mariam parce qu'elle s'est convertie à l'islam lors de sa détention aux mains de ces geôliers, donc qui appartiennent à un groupe qui est intégré dans la nébuleuse d'Al-Qaïda, donc elle était aux mains de djihadistes, qu'elle refuse d'appeler djihadiste d'ailleurs. Et donc maintenant les musulmanes, elle l'a dit, voilà, elle a confié ça à TV5 Monde, ça a été capté, on l'écoute tout de suite et on se retrouve. Pour le Mali, je vais prier, implorer la bénédiction, les bénédictions et la miséricorde d'Allah, parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Marianne que vous avez devant. Alors messieurs, cette libération n'a pas été gratuite. Hein. Il a fallu élargir environ 200 djihadistes qui étaient retenus prisonniers. Il s'agit d'un échange, hein, un échange de prisonniers. Donc on a échangé 4 détenus, dont Mariam maintenant. Hein. Deux prêtres aussi, italiens, qui étaient partis fourrer leur nez au Mali pour aider à la natalité africaine, c'est important. Et un responsable noir de cette région. Bref, 200 djihadistes ont été libérés et nous avons récolté, quelque part, une djihadiste. Hein. Je crois qu'on ne peut pas trop appeler ça différemment. Quel est votre sentiment là-dessus? Qui a envie de... Je vais peut-être commencer par Derek quand même, puisque bon, là, pour le coup, bravo. Hein. Là, c'est un miracle. Hein. C'est Subhanallah, miracle. Subhanallah. Subhanallah, effectivement, Subhanallah. On a un petit peu tout là, dans cette affaire. Après, on prend une boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On met une femme blanche. Ouais, ça c'est bon. Cette femme blanche, qu'est-ce qu'elle? Elle est boumeuse. Ah, très bien. C'est une boumeuse qui fait de l'humanitaire chez les nègres. Ok. Prends ça, tu mets dans une boîte, tu agites. Ça. Attends, elle est aussi catholique pratiquante quand elle va là-bas. Ah d'accord, elle était catholique pratiquante. Ouais. Je ne savais pas. Ah, là, c'est... Non, mais ben, intéressant. Donc on met ça dans la boîte, on agite, et puis qu'est-ce qui en sort? Sort une vieille musulmane qui, quand on va la sortir de là, hein, c'est-à-dire la sauver, parce que je crois qu'elle était censée avoir des traitements médicaux lourds, etc. C'était très, très dur. Ouais, bah elle avait l'air en pleine forme, entre nous, soit dit. Elle dit elle-même hein. Qu'elle était en pleine forme, qu'elle n'a pas l'air effectivement très... très éprouvée hein, par ses conditions de détention. Bon, elle qualifie ça de retraite spirituelle, hein, c'est sur ces termes. Hein. Oui, oui, oui. Donc, quelque part, elle a raison. Hein. C'est, quand vous mettez tous ces éléments-là que j'ai listés précédemment, vous obtenez une créature qui est en révolte contre nous, hein, l'Europe, la France, les Blancs, les hommes blancs. Donc, elle a profité de ce temps, de cette mise à l'écart pour réfléchir et donc arriver à la conclusion qui s'imposait, qui est de faire en sorte que les nègres soient sous la domination de l'islam, donc être elles-mêmes sous domination de l'islam, pour les catapulter sur nous, quoi, comme des armes de destruction massive. Enfin, quand je dis comme, en fait, les nègres sont une arme de destruction massive. Hein, mais... Oui, une arme biologique, tout à fait, hein, bien sûr, oui. Donc la retraite, le temps de réflexion de cette nana-là, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été de la commune. Femme catholique, boumeuse, humanitaire, etc. Les autres sont gentils, l'autre avec un grand A. Ça te sort Myriam. Mariam. Qui prend fait et cause pour Al-Qaïda, on peut le dire. Hein. Qui prend fait et cause et puis qui manifeste clairement son intention d'aller sur place, voir que si les bataillons sont en ordre de marche. Oui, c'est ça. Ouais. Non, je vais aller voir. Hein, je me suis engagé à catapulter des nègres sur le monde entier. Et des nègres musulmans. Précisons-le quand même. Oui. Oui, tant qu'à faire. Boko Haram, enfin, c'est quand même Boko Haram, c'est ce qu'il y a pas en France, hein, Charles. Oui. Donc, cette femme blanche, anciennement catholique, nouvellement djihadiste, vous souhaite Boko Haram. Joyeux Boko Haram à tous. Oui, c'est un peu tôt, mais oui, pourquoi pas. C'est là, non, mais là, c'est... je crois qu'on peut. Faire un jour férié de cette libération, en fait. C'est pas vraiment une libération, oui, comme on libère un missile. C'est-à-dire que l'État islamique nous a lâché un missile dessus. Alors oui, du coup, parlons de communication. Donc c'était censé être, pour Emmanuel Macron, on avait pensé ça comme étant un formidable coup médiatique pour se poser en protecteur des Français enlevés par les islamistes radicaux. Voilà, le défenseur de la juste intervention humanitaire française, occidentale et démocratique, et peut-être aussi un peu juive hein, quand même, contre la barbarie musulmane. Très bien, donc voilà, Macron sauvait la civilisation. Et évidemment, il accueillait la vieille Pétronin en grande pompe, personnellement, hein, à l'aéroport. Il faut savoir que ce sont des marques d'attention, extrêmement rares de la part d'un chef de l'État. C'est pas quelque chose qu'il fait très fréquemment, même pour d'autres chefs de l'État. Et donc, elle a été accueillie en grande pompe. Et là, très vite, Emmanuel Macron a compris qu'il y avait comme on dit vulgairement, une couille dans le potage. Hein. Il y avait un problème. Et alors, d'après ce qu'on a su, hein, c'est les dépêches de presse qui nous ont donné le détail, il s'est, dixit, longuement entretenu avec Pétronin, en fait, pour essayer de la convaincre d'abandonner l'islam. pour qu'il puisse faire, en fait, une conférence de presse en compagnie, n'est-ce pas, de notre compatriote libéré. Hein. Il a fait des tweets là-dessus, il était très enthousiaste avant de la rencontrer. Hein. Il a fait 2 tweets, hein, c'est extraordinaire, bienvenue chez vous et tout. Et alors, il était bien sûr censé récolter les fruits de ses efforts, des efforts du Quai d'Orsay, et puis surtout, compte tenu de la libération des 200 djihadistes, bon, il fallait bien quand même que ça paye un peu, quoi, une rétribution en termes médiatiques. Et il a compris que la Mouquère était... fiévreusement attachée à son voile, hein. elle avait le peur de le perdre, hein. elle le tenait devant sa bouche, elle le mettait, enfin vraiment, elle était, voilà. Et il s'est dit, je vais me retrouver devant les caméras du monde entier, à m'exprimer à côté d'une vieille, convertie à l'islam, qui va expliquer à tout le monde que les mecs d'Al-Qaïda, en fait, ils ont aussi une légitimité, et en fait, on a un peu abusé d'eux, voilà, on les a un peu roulés dans la farine, alors ils n'étaient pas contents, et voilà. Alors le type s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment je vais faire pour m'en sortir? Il n'a pas réussi, il a été obligé d'annuler la conférence de presse. Donc, pas de chocolat pour Emmanuel Macron, il est reparti à l'Elysée sans son sucre, hein. Pas de sucre pour Emmanuel. Et la vieille, dans 3 mois, alors je sais pas comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont la foutre de force dans un EHPAD, est-ce qu'ils vont la mettre sous curatelle, je ne sais pas, mais si on la laisse en liberté, elle va prendre le premier avion pour le Mali, c'est garanti, hein. Elle est dans 3 mois. Attends, elle était bien traitée, hein. Apparemment elle était en vacances là-haut. Alors puisque tu parles de ça, et je te donne la parole, mais je suis sûr qu'elle s'est faite bourriquer pendant 4 ans par toute une tribu de nègres, mais alors, dans les grands... et je pense que ça a précipité sa conversion. Bah, c'est une conversion par la bite, ça me paraît assez évident. Non, les gars. Vous raconte. Non, pas du tout. Je veux dire, c'est une femme de 76 ans. Alors, attends, à quel moment c'est un truc qui rend le truc pas plausible. Mais non, mais tu sais très bien qu'en islam, la conversion est très rapide. C'est une shahada. Tu fais une shahada et en principe, tu rentres dans le monde des musulmans. Le problème dans l'islam, c'est pas d'y rentrer, tout le monde peut y rentrer, c'est d'y ressortir. C'est ça le problème. C'est l'apostasie qui est punie, tu vois. Et c'est juste une femme de 76 ans. Je pense, il est fort probable qu'elle a été assez bien traitée. D'ailleurs, elle n'a pas uniquement été enlevée par des islamistes. Parce que, faut pas oublier d'une chose, malheureusement, les médias français en ont très très peu parlé, parce que son premier d'ocre, mais la libération des djihadistes, des 200 djihadistes, ne concerne absolument pas Sophie Pétronin. Sophie Pétronin, elle a été, elle, si tu veux, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau qui va contenter l'un des protagonistes de la discussion, en l'occurrence l'État français, pour une... En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Algérie avait Daesh à ses portes. Il y a eu un coup d'État au Mali il y a quoi, 3-4 mois, hein, faut pas oublier ça. L'actuel président est en tôle. Et la personne qui a été libérée est un ancien candidat malien, un ancien candidat à la présidence de la République du pays, il s'appelle Soumaïla Cissé. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que sous l'aval de l'Algérie, le Mali est prêt à s'entendre avec les différentes factions musulmanes du Mali, les Touareg au nord, les Peuls au sud, et ce qui est terrible en fait, ce qui va très au-delà de l'affaire... Sophie Petronin, qui est, je veux dire, tout ça c'est anecdotique, c'est que le Vatican a réglé une rançon, il a apporté l'argent pour que l'Algérie favorise Al-Qaïda au détriment de Daesh. C'est ça le vrai scandale. Petronin, très anecdotique, le Vatican a réglé une, on va dire, une discussion, une négociation entre différentes factions islamistes. Il a apporté l'argent. Il est là le problème. Parce que qu'est-ce qui se passe au Mali? C'est pas qu'une question islamique, c'est une question ethnique. Donc moi, je suis persuadé que la Sophie Petronin, ce qu'on lui a accordé, c'est d'abord de l'attention. Faut pas oublier que parmi les groupes, il y a de la compétence qui est très recherchée, c'est pas artificier ou combattant. La compétence qui est très recherchée, c'est prédicateur. C'est-à-dire avoir la force de conviction suffisante, le bagou, qui est un truc très ethnique. Hein. Je pense que les Occidentaux n'y arrivent pas. Hein. C'est un truc vraiment de nègre. On les voit très bien. Comment sont les évangélistes? Comment sont les prédicateurs musulmans? Et je pense qu'elle a été retournée de bonne foi. Je ne suis même pas persuadé qu'on l'ait tant menacé que ça. Et quand bien même l'aurait-on menacé, je ne pense pas qu'on puisse vraiment lui en vouloir pour ça. Une shahada, et puis voilà, c'est une vieille dame. Je me demande si elle s'est déjà convertie à l'islam avant. Non, pas du tout. Elle était chrétienne. Alors moi, je n'ai pas du tout la mansuétude que tu peux avoir pour elle. Moi, j'estime que c'est vraiment l'incarnation même du désastre de toute cette génération. Donc, moi, oui, je suis d'accord, mais si tu veux, dans l'affaire, c'est une non-affaire. Moi, je pense qu'en fait, bah, c'est fort probable. Je suis pas du tout d'accord. Probable, c'est que Macron, en fait, en partant, est arrivé avec un cadeau empoisonné. Comme Talleyrand, il avait un nom pour ça, il appelait ça les pommes à la merde. Talleyrand est un diplomate qui a dû gérer le congrès de Vienne, hein, la défaite de Napoléon, et dit que effectivement que si tu veux convier quelqu'un qui ne veut pas venir, il faut surtout l'appâter par un gâteau. Et je pense que Sophie Petronin, c'est le gâteau, c'est la pomme à la merde. Mais je ne suis pas du tout persuadé qu'il était ravi. En arrivant au Mali, parce que derrière il y a des contreparties qui sont d'ordre politique, et en plus de ça, c'est-à-dire en plus déjà du gâteau à la merde, il se tape une vieille nana qui est en train de faire, on va dire, pas l'apologie, mais qui est en train de présenter les groupes djihadistes comme étant des types finalement assez sympas, alors qu'en même temps il est empêtré dans des affaires d'unité de la République et de la lutte contre le séparatisme islamiste en France. C'est surtout ça qui l'a emmerdé. C'est-à-dire qu'à mon avis, il a eu un double coup. La négociation qui peut-être ne l'a pas forcément convenu, enfin, je sais pas, mais c'est une supposition. Et deuxième coup, alors qu'il fait il se prend une raclée par une mamie de 76 ans, et vous avez vu la réaction des bougnoules. Tous en ont profité. Et c'est trop beau. C'est trop beau pour eux. C'est magnifique. Je veux dire, elle présente ces groupes djihadistes séparatistes, enfin, séparatistes maliens, comme étant des types finalement assez sympas, comme des opposants au régime. Enfin, c'est un camouflet terrible pour Macron. Ben oui, non, mais c'est ce que je disais, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Moi, je crois que c'est pas du tout une je crois que c'est pas, c'est, bah, c'est un détail. Je veux dire, évidemment, on peut dire oui, c'est anecdotique par rapport à la situation, etc. Mais au contraire, moi, je trouve que c'est parfait. Ça représente bien le climat général. Ça représente très bien le climat général. En fait, tous ces humanités. Déjà, il y a le fait de la question de l'humanitaire. Bah, bon, je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus, mais enfin bon, ce besoin compulsif qu'ont soit des demi-homosexuels, soit des femmes blanches, d'aller comme ça dans des pays en Afrique, surtout en Afrique, pour aller, comment dirais-je, cajoler des Noirs, pour s'assurer que... Voilà, il y a le phénomène, comment dire, ce que d'ailleurs les gauchistes raillent beaucoup, enfin pas les gauchistes d'ailleurs, c'est plutôt les Noirs qui raillent ça, ils appellent ça le phénomène, le syndrome du white savior, bon, donc le sauveur blanc, et ça c'est quelque chose qui les taraude, donc c'est un puissant besoin de paternalisme, hein, de jouer à la poupée avec des négrillons. Ça, c'est extrêmement fort, et ça, c'est ce qu'elle exprime. Ça, c'est la première chose qu'elle exprime. Déjà. Et ça, c'est pas du tout anecdotique. C'est quelque chose qui traverse toute une partie des femmes en France. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle échoue là. Bon, c'est pas la seule, il y en a d'autres. D'ailleurs, au Niger, il y a quelques mois, il y en a quelques autres femmes blanches qui se sont fait exécuter par des membres de l'État islamique. Alors, après, la dynamique entre l'État islamique, Al-Qaïda, est-ce qu'Al-Qaïda a voulu, parce que c'est un peu leur stratégie depuis la Syrie, passer comme une force islamique et djihadiste plus rationnelle, c'est-à-dire qui exécute moins gratuitement en fait des otages occidentaux pour exploiter politiquement la chose. Oui, c'est tout à fait évident, mais encore une fois, je veux dire... ça n'a pas grand intérêt, puisque de toute façon, le Mali est un merdier, c'est un merdier ethnique, c'est un merdier religieux, c'est un non-État. Il y a toute une série de pays qui veulent une part du gâteau. Alors, effectivement, on va voir l'Algérie, on sent que la Turquie d'Erdogan est intéressée pour déstabiliser Macron. Macron y est, bon, tu parlais effectivement du renversement du gouvernement, qui est un gouvernement pro-français il y a quelques mois, et qu'aujourd'hui, bah, Macron, finalement, n'a pas d'homme à lui à la tête du pays, enfin, que la France n'a pas d'homme à elle à la tête du pays, et que l'ancien opposant qui avait été embastillé est émancipé, qu'il y a, bon, une espèce de bouillon de culture anti-français qui se solidifie, là, bon, très bien. Mais, au final, ça démontre juste la situation de la France, quoi, je veux dire, et de la société française. Absolument, mais c'est... Ça aurait pas été pensable il y a 50 ans, quoi. Je veux dire, il y a 50 ans, t'aurais pas vu comme ça quelqu'un, oh, bah, j'ai vu la lumière islamique, les djihadistes, en fait, c'est pas des djihadistes, voilà. Rien de tout ça n'aurait eu lieu comme ça. Tu vois, à la limite, tu parlais du Vatican, bah, je veux dire, bon, à la limite, ce qu'a fait le Vatican est plus rationnel, parce qu'eux, ils ont payé les types pour libérer deux Italiens, mais les deux Italiens étaient deux prêtres. Donc, quelque part, le Vatican a cherché à démontrer à ces nombreuses organisations présentes en Afrique, qu'ils n'abandonnent pas les siens, si on veut, quoi. Que voilà, ils paieront s'il faut payer, quoi. Donc, de leur point de vue, il y avait là quelque chose d'assez. Peut-être pas. Enfin, de leur point de vue, c'était ce qu'il fallait faire. Bon, ça s'est passé comme ça. Mais, je veux dire, Macron pensait vraiment. Pensait gagner sur toute la ligne, justement, que tu évoquais à raison l'histoire là, de son projet de loi contre le séparatisme islamique en France, ou islamiste. Et justement, il comptait démontrer qu'en fait, la France était cohérente dans sa politique extérieure comme dans sa politique intérieure sur ce sujet, puisqu'il a besoin des voix de la droite en 2022 dès le premier tour, donc il veut paraître assez dur sur la question de l'islam radical. C'est un tournant dans sa posture, hein. Il a été jusqu'à présent très volontairement très ambigu sur toutes ces questions, et il s'est dit, bah voilà, voilà, je libère la dernière otage, elle va arriver en France, elle va me remercier, je vais pouvoir en faire des tonnes sur la lutte contre l'islam radical et la démocratie, sur le rôle positif de la France au Mali, etc. Et puis tout se casse la gueule, tout se casse la gueule. Et là, t'as aussi raison de souligner ce point-là, c'est la réaction des bougnoules en France. Qu'on pouvait voir sur Twitter, en fait. Il suffisait de regarder les réactions à l'annonce de sa conversion à l'islam diffusée par TV5 Monde et en fait RFI et tout ça. Effectivement, c'était des centaines et des centaines de commentaires de musulmans absolument enthousiastes. y compris de une nana là, une beurette qui s'appelle Asbag là, qui est une ethno-gauchiste maghrébine très très vindicative. Vous savez, enfin tous ces types qui disent quand il y a un attentat, vous savez, terroriste en France commis par des musulmans, ils disent ouais pourquoi on s'excuserait, on n'a rien à voir avec ça, et qui accueillait, enfin qui félicitait Mariam pour sa conversion, en disant bah voilà, elle est attaquée par l'extrême droite, etc., simplement pour s'être convertie. Et là, on voyait qu'en fait, elle était solidaire de la cause de l'islam radical, parce qu'elle s'est pas convertie à la suite d'un long cheminement spirituel ou je ne sais quoi. Elle s'est convertie en étant sous la garde d'Al-Qaïda pendant 4 ans. Donc, elle n'a pas été convertie par n'importe qui. Non, mais c'est bien, c'est pour ça. Pour ceux qui seraient peut-être encore naïfs, alors Siam Asbag, je crois que c'est une sorte de grosse éponge pleine de loukoum. C'est vraiment, tu sais, les maghrébines grasses. Je crois les profs de français, tu vois, une prof de français à lunettes. Bon, voilà. Tu portes pas le voile, hein. Non, ça porte pas le voile, mais peu importe, quoi. Je veux dire, elle doit avoir quoi, une trentaine d'années, tu sens déjà la moukère. Qu'à la graisse qui déborde sur les genoux, quoi. C'est ouf. Mais bon, non, c'est très très bien. Moi, c'était très rigolo de voir, on va dire, les indigénistes et les bougnoulettes à la Siam Asbag se féliciter qu'une vieille femme de 76 ans se soit convertie à l'islam suite à une captivité de 4 ans. C'était, je trouve, assez rigolo. Mais c'est ça la logique islamiste. La logique islamiste, c'est il faut que tu te soumettes. Il faut que tu te soumettes en te convertissant. Et en te convertissant, à partir de... les bougnoules imaginent réellement qu'à partir du moment où toute l'humanité se convertit à l'islam, le règne de la paix régnera sur Terre. Ils en sont absolument convaincus. L'islam. Il y a un, comment dirais-je, un truc que je veux souligner, parce que tu disais, ouais, elle est vieille, peut-être même gâteuse et tout, donc elle s'est convertie à l'islam, etc. Bon, mais, elle n'a pas l'air gâteuse du tout, mais surtout, il y a quelques mois, une humanitaire italienne a été libérée dans les mêmes conditions, elle était détenue aussi par des djihadistes, elle est revenue avec le voile, et elle a dit la même chose, c'est-à-dire, elle a dit, maintenant, je m'appelle, donc elle avait un Aïcha. Nom, voilà, je m'appelle Aïcha. Et elle était, ça, l'opinion publique italienne a réagi exactement comme, en tout cas une partie de l'opinion française a réagi en disant mais qu'est-ce qui se passe quoi. Je veux dire, et elle portait le voile, je veux dire, en Italie. Hein. Mais attends, mais c'est des femmes. Non, mais oui, mais ces femmes-là qui maternent des nègres sont prédisposées à être les porte-parole de Boko Haram. C'est obligatoire. Donc, il faut. Et pourquoi j'insiste sur pourquoi je parle de cette Aïcha là, parce que on pourrait dire, parce que ma théorie pourrait être remise en question, parce que donc là c'est une vieille, hein, donc évidemment les bougnoules en France sont contents et tout, symboliquement c'est eux qui ont gagné la manche en termes médiatiques, mais en Italie c'était une jeune femme, elle était quand même très jeune, et surtout elle était en âge d'avoir des enfants, et ça c'est très important à comprendre, c'est-à-dire qu'une femme blanche qui se convertit à l'islam et qu'il met le voile, c'est-à-dire donc il y a donc je mets quelque chose sur mes cheveux, donc je me cache du regard des autres hommes parce que je me réserve pour, bah oui, si on met une femme musulmane qui met son voile, le met pour réserver son corps à son mari, qui par définition ne peut être que musulman. Donc le message qui est envoyé par le voile islamique quand il est porté par une femme blanche, c'est, aux autres hommes blancs, c'est « je suis réservé au mâle marron musulman ». Pas touche. C'est un message à caractère sexuel. Et ça, il faut bien le comprendre. Là-dessous, il y a des mécanismes sexuels qui sont en jeu. Vous voyez ? Ces femmes-là réagissent, sont prédisposées, comme l'a très bien dit Derek, parce que déjà, par leur parcours de vie, leur choix, on voit bien qu'elles ont une appétence, une attirance pour certaines populations, n'est-ce pas ? Quitte à traverser la moitié du monde pour aller les fréquenter. Et puis finalement... on se rend compte qu'elles deviennent subitement, à la faveur des mouvements, des plaques tectoniques géopolitiques, elles deviennent subitement des porte-paroles de la cause djihadiste. Mais oui, mais il y a autre chose. Tu te souviens quand les Français, les soldats français, enfin c'était même des conscrits, hein, pour un grand nombre d'entre eux, ont été faits prisonniers par les communistes. On les a mis dans des camps, on les a rééduqués. Pour les rééduquer, on a fait venir, les communistes ont fait venir de France des universitaires. Enfin, vous connaissez tous l'affaire Boudarel. Bon. Ça a été une rééducation à la schlag. C'est-à-dire qu'il y a eu torture, il y a eu des manipulations psychologiques, à un avis très complexe, très fine. Vous mélangez l'espèce d'absence d'éthique asiatique à la sauvagerie communiste, il faut imaginer ce que ça fait. Mais il y a quand même, il faut forcer les gens. Voilà, c'est un mécanisme. Je vous invite à regarder le film Soldat Blanc. C'est assez intéressant à voir. Bon, c'est fait par des gauchistes, mais ça parle de ça. Ça parle de la manipulation psychologique des soldats indochinois et du retournement de ceux-ci. Mais on parle d'hommes là, on parle de soldats. Là, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Les femmes, je veux dire, la meilleure clé, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est un joli décolleté, un beau sourire. Tu vois, nous, on est des hommes, on comprend pas ce que c'est, parce que aucune paire de couilles ne vaut des portes. Aucune paire de couilles ne te fera accepter gentiment dans un groupe étranger. Pour une femme, je veux dire, c'est très facile. Je veux dire, quand les hordes soviétiques arrivaient en Allemagne, bon, les Allemandes, qu'est-ce qu'elles disaient? Elles disaient, bon, bah, mieux se faire passer dessus par un sauvage soviétique, par un moudjik qui n'a pas vu une femme depuis 2 ans, plutôt que de mourir. Et les femmes réagissent comme ça pour beaucoup. Et pour moi, tu peux pas forcément leur en vouloir pour ça. C'est pour ça que, si tu veux, elles n'ont pas du tout le même rapport à l'immigration, pour la plupart. Parce que pour elles, c'est un autre groupe. C'est pour ça que les hommes blancs doivent redevenir dominants et ne pas avoir peur d'être méchants. Parce que c'est comme ça que ça marche. Toutes les féministes, là, tu les vois à cheveux bleus, qui ont une forme de féminisme qui, en fait, n'est pas un féminisme doctrinal, très élaboré, qui a été forgé par des années de doctrine où elles sont tapées Simone de Beauvoir et Michel Foucault. C'est pas ça. Le féminisme, c'est Netflix. C'est Netflix, c'est Agendas. Ça n'a rien à voir avec les espèces de coupeuses de couilles là, des mouvements lesbiens des années 70. C'est tout à fait autre chose. Bah, toutes ces nanas-là, je veux dire, se mettront en couple avec des gens qui sont fascistes, soit islamistes, soit durs et sûrs d'eux-mêmes et dominateurs. Faut pas rêver. Tout ça, c'est de la posture. Pourquoi? Parce qu'elles veulent se mettre du côté de dominants. Et tu peux pas leur voir comme ça. C'est ça, la psychologie féminine. Les femmes se mettent toujours du côté de la crosse plutôt que du côté de la baïonnette. C'est tout. Bah justement, c'est ce que je pense. Mais à ce moment-là, les traînées qui se comportent comme ça, tu les accueilles pas avec un tapis rouge à Roissy Charles de Gaulle. Ouais, bah c'est sûr, c'est sûr. Qui veut rajouter quelque chose sur cette sur ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un voudrait dire? Ouais, je voudrais rajouter un petit mot parce que là, on parlait justement de Netflix. Et la semaine passée, vous allez voir le lien, moi j'ai eu l'occasion de voir un documentaire animalier, c'est un sujet que j'aime particulièrement, de David Attenborough, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un aventurier britannique qui fait des documentaires pas mal, et c'était passé sur Netflix, donc moi je ne suis pas abonné à cette merde, mais en tout cas j'ai vu le contenu, et ça a basculé d'un documentaire animalier pour le bien de la planète, etc., sur un message politique, j'allais dire à peine voilé, non, j'ai envie de dire revendicatif, qui se terminait par, bah vous voyez, en fait, il y a trop d'humains, en fait, faut faire beaucoup moins d'enfants. Bien sûr, c'est destiné à l'Occident, hein, tu sais, ces contenus-là, uniquement, parce que c'est pour le bien de la planète, quoi, voilà. Et pendant ça, c'est un discours qui est partagé par à peu près toutes les gonzesses, hein, qui sont en Occident. Qui est une fausse doctrine d'ailleurs au passage, hein, parce que la conscience écologique elle ne touche que les populations qui ont un QI supérieur, parce qu'il faut bien sûr avoir un QI supérieur pour être altruiste. Un noir qui sera aux commandes, franchement, l'écologie, c'est pas un... enfin, il comprendrait même pas le concept d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet. Et pendant qu'on a ce genre de concept-là dénataliste pour l'Occident, eh ben en fait, on a des vieilles boumeuses qui sont en vacances, donc apparemment hein, bien traitées. Hein, je sais pas si elles avaient aussi peut-être la PlayStation, je ne sais pas. En tout cas, elles étaient bien traitées, qui vont soigner la natalité nègre. C'est exactement ce qui va se passer, parce que bien sûr, hein, vous vous rendez bien compte, les nègres, hein, c'est des populations qui sont en grand danger de disparition, hein, contrairement aux blancs, c'est évident. Et bon, moi, je suis en désaccord avec Macabre. Je pense qu'elle s'est fait bourriquer aussi par des nègres et que sa conversion commençait par là. Bon, après, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, mais bon. On peut aussi ajouter le syndrome de Stockholm. Hein. Ça, c'est des supputations, mais bon, bref. En tout cas, on ne sait pas exactement les tenants, les aboutissants de la négociation. Enfin, négociation, ouais, c'est un bien grand mot, parce que négociation, normalement, tu gagnes quelque chose. Là, je sais pas ce qu'on a gagné. On a gagné une boumeuse. Enfin, c'est une négociation permanente. Ah, une boumeuse convertie à l'islam, quand même, c'est pas si mal. Voilà, puis en plus, on relâche 200 bonhommes, enfin, des nègres islamistes. Je sais pas si vous vous rendez compte, le combo, quoi. C'est-à-dire des nègres, et en plus, vous rajoutez l'islam. L'islam rend con. Alors, si en plus de base, vous avez un nègre, ça donne des fous. Et ouais, on... Vous savez, la formule « on ne négocie pas avec les terroristes », moi, je ne l'ai pas entendue. Là, apparemment, c'est open bar. Hein. Visiblement, ouais, on négocie. Ouais. le Vatican, on peut dire que c'est officiel. Maintenant, le pape finance l'islamisme. C'est intéressant. Ah bah là, ça s'est su. À mon avis, il y a quelques curés qui vont disparaître. Oh, puis c'est bien, c'est officiel, c'est... maintenant. En plus, il y aura des soldats français qui bientôt se feront tuer par ces nègres libérés. Soldats français qui seront peut-être issus des traditions militaires, donc des catholiques, et donc ça fera un bel enterrement. Hein. L'Église catholique pourra gérer ça aussi, c'est bien. Il y a une gestion, il y a un service après-vente. Quoi, c'est du début à la fin, en fait. C'est le processus. J'y vois une totale. En fait, on rigole sur cette histoire, mais moi, je vais peut-être avoir une réaction très bas du front, on va dire d'ancien bidas. Putain, ça fait un petit moment que j'ai pris la quille, mais. Et malgré tous les défauts de l'institution, mais enfin l'engagement français au Mali, c'est pas quelque chose de marrant non plus, quoi. C'est vraiment des unités combattantes qui sont sur place. Franchement, des bons gars. Y a pas de cuistots, de planqués, quoi. Il y a une centaine de militaires qui sont blessés, je crois, ou 200, je sais plus. Enfin, un nombre assez impressionnant. Je crois qu'il y a 9 morts pour l'instant. Pour ma part. Ça, 9 morts, qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles sur quelle période? 9 morts de militaires. Mais sur quelle période? Il y a plus que ça, on a 45, je crois. Parce que les deux hélicos. Non, je crois qu'on a 45 morts et bien plus que 200 blessés. Mais... Bah écoute, si quelqu'un peut aller chercher les chiffres pendant que je finis mon intervention, parce que c'est quand même assez conséquent. Moi, j'ai envie de dire que je suis pour une sorte d'engagement, on va dire, soit on y va, soit on n'y va pas. Quoi. C'est-à-dire, soit on y va pas, bon, on s'est dit, bon, démerdez-vous avec vos problèmes de nègres. Voilà, c'est une position tout à fait acceptable. Mais si on y va, moi je suis pour un engagement plutôt à la chinoise, voilà. C'est-à-dire qu'apparemment les intérêts français sont importants au Mali, donc okay, imaginons, d'accord. Mais alors du coup, on fait comme les Chinois, quoi. C'est-à-dire que les droits de l'homme, j'ai même entendu apparemment vous savez, on espionne les communications des djihadistes parce que les mecs ils sont en pick-up, enfin c'est le bordel, c'est pas un pays le Mali, hein. Ça n'existe pas. Moi je suis un négationniste pour le coup de l'Afrique, je pense que l'Afrique n'existe pas. Voilà, c'est un immense désert avec des nègres dedans. Et donc, j'ai lu qu'il y avait des tractations, des négociations par rapport, vous savez, aux droits de l'homme, etc. Parce qu'on écouterait des conversations, et vous vous rendez compte, il ne faudrait surtout pas empiéter sur la liberté individuelle des nègres. Voilà. Alors qu'en France, par exemple, le gouvernement français ne se prive pas de piétiner aux libertés individuelles. Enfin bon, voilà. Ça... Ouais, tout ça est grotesque, mais ça, c'est le cirque démocratique, hein, dans ce qu'il y a de plus... Dans ce qu'il y a de plus bouffon, quoi. Hein, On est à 50 morts hein, au Mali. Bon, non, j'avais dit 45. Ouais, tu me diras, c'est peut-être pas. Enfin, c'est pas non plus des chiffres. Ouais, c'est beaucoup. Mais regardez la liste. Alors, évidemment, il y a des légionnaires, donc ce ne sont pas des gens forcément d'origine française. Mais les noms. Tout ça est quand même très français, quoi. Je veux dire, c'est ouais, c'est très très très blanc. Hein. Voilà. Et là, effectivement, ça fait mal. Ah, si, un arabe. Voilà. Mais ils sont morts pour la France. Je sais pas. Hein. Non, mais c'est comment dirais-je, c'est un truc, c'est inextricable. C'est essayer de maintenir. Je veux dire. Franchement, je veux dire, c'est vrai que c'est un réflexe de l'ordre colonial, quoi. Les gauchistes utilisent souvent cette expression, mais il y a quand même une forme de colonialisme dans tout ça. Mais pas dans le sens, vous voyez, on va là-bas pour exploiter les ressources, je sais pas, parce que à la limite, ça pourrait s'entendre, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, vous pouvez dire, bon, voilà, on consent à des efforts, mais derrière, on va. Non, là, en réalité, il n'y a même pas d'intérêt économique, contrairement à tout ce que racontent tous les nègres là, sur Twitter. Là, ils sont très, très volubiles sur ces questions. Non, non, il n'y a pas d'intérêt français. Je crois qu'au total, le commerce extérieur français avec l'Afrique, en totalité, c'est 5%. L'essentiel du commerce français se fait, bien évidemment, avec les autres pays européens, avec la Chine et, comment dire, l'Amérique du Nord. Donc, il n'y a pas d'intérêt économique, en fait, là-bas. Il y a simplement l'idée d'éviter que les radicaux musulmans ne s'emparent de ce pays. Bon. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en fait, quand vous faites une intervention militaire, soi-disant pour endiguer l'islam radical, bon, si vous voulez vraiment la réussir, il faut faire des engagements, parce qu'il faut quand même mesurer ça. L'engagement français précédent en Afrique, c'est ce qu'on a appelé l'Empire colonial français, ça s'est étalé sur pratiquement un siècle de présence effective. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que on a l'envie, les moyens non. Donc, je veux dire, faire des petites opérations comme ça pour essayer de bricoler, ça ne mène à rien en réalité. Hein. Ce que vous faites, la seule chose que vous faites, c'est que vous tapez dans la fourmilière, donc vous ne réglez rien militairement, mais vous excitez toute la région, donc tous les candidats potentiels au djihad rappliquent, vous avez d'autres états qui veulent vous poignarder dans le dos, qui vont financer, etc. Les années passent, etc. Et il n'y a pas de sortie, c'est exactement comme l'Amérique en Afghanistan. Bon, les types, ils y sont depuis 20 ans, ils sont au même point qu'il y a 20 ans. Hein, grosso modo, ils sont au même point qu'il y a 20 ans, et le Mali va exactement dans la même direction, mais il y a une espèce de... Alors, le Mali va en direction de la France. Oui, oui, en fait, en plus, quand non, mais il faut vraiment voir ça sous tous les angles. C'est-à-dire que, comment dirais-je, pendant que tu as des soldats français au Mali qui interviennent sur le terrain pour rien, qu'on libère des vieilles peaux blanches qui n'ont qu'une obsession, c'est de démultiplier les négrillons là-bas, pour qu'ils viennent plus vite ensuite chez nous, où ils sont accueillis par les mêmes vieilles peaux blanches de réseau éducation sans frontières, et j'en passe, ou le droit au logement et tout ce que vous voulez, qui nous crache à la gueule le plus clair du temps. Face à ça, tout ça va vers quoi? Vers rien, en fait. Et dans le même temps, vous avez des Maliens qui sont établis chez nous, comme Assa Traoré, salarié de chez Rothschild, qui essaye de fomenter de monter une insurrection raciale. C'est une malienne, hein, Traoré. Hein. Et là, si vous voulez, c'est la démonstration par l'absurde de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans ces pays, il ne faut pas accepter leurs ressortissants, d'accord, leur immigration, en fait, qui ne sont jamais que leurs déchets biologiques qui déversent chez nous. Hein. Il ne faut pas accepter ça, il ne faut pas se piquer de rentrer dans les querelles entre musulmans, c'est-à-dire, voilà, alors il y a les modérés, pas les modérés, l'autre il est de telle secte, il y a l'imam machin, etc. Non, vous faites ça, vous n'en sortez plus. On a essayé ça au 19e siècle. Bon, on avait une France qui était homogène racialement, qui était nationaliste, qui était quasiment unanime pour s'investir dans la longue durée, et qui avait l'intelligence et les couilles pour aller dans ce genre d'endroit pour imposer la présence française d'une part, mais surtout pour mettre de l'ordre là où c'était nécessaire pour la réussite de l'entreprise. Bon, sur tous ces critères-là, on est plus haut niveau. D'accord, je me demande quand même si la volonté d'aller s'immiscer dans les affaires africaines, c'est pas quand même une question de prestige qui est propre à l'armée française. C'est pas si l'armée française se gausse pas comme ça d'intervenir dans des affaires étrangères. J'ai l'impression que ça flatte les égos des militaires. Non, mais l'armée n'est que... Enfin, l'armée exécute un ordre politique. Voilà, c'est une décision politique. Moi, je veux bien entendre qu'on puisse avoir un intérêt particulier à avoir une influence dans telle région d'Afrique. Ça peut s'entendre. Voilà. Ben là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait des intérêts économiques... Alors on dit oui, mais les intérêts sécuritaires, etc. Mais moi, je ne crois pas à cette théorie. Je veux dire, c'est pas crédible, si vous voulez, cet argument-là. Pourquoi ? Enfin, je ne sais pas si les élites françaises le pensent vraiment, si ceux qui décident ce type de politique... y adhèrent, ils croient à ce qu'elles disent, ou bien si c'est simplement un artifice médiatique pour nous leurrer. Mais quand on nous dit, voilà, la défense de la France et de l'Europe se joue au Mali parce qu'il ne faut pas que ça tombe aux mains des musulmans, et que par ailleurs, les frontières françaises sont grandes ouvertes à n'importe quel va-nu-pied arrive depuis, comment dirais-je, depuis l'Afrique, parce que c'est ça, hein, c'est la réalité. Les types traversent la frontière italienne, franco-italienne, enfin, l'ont traversée, continuent d'ailleurs de la traverser. Sans très grande difficulté, il n'y a aucun effort réel qui est fait pour endiguer ça. Je ne parle même pas des expulsions qui n'ont pas lieu. On n'arrive même pas à calmer Assa Traoré, j'ai donné son exemple parce que c'est très parlant. Même elle, on n'arrive pas à lui faire fermer sa gueule. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Rappelez-vous que Belloubet, quand elle était garde des Sceaux avant Dupont-Moretti, était prête à la recevoir au ministère, à la chancellerie. On en était arrivé là. Alors ils ne l'ont pas fait parce que la rumeur a tellement fait hurler que bon, il y a eu un sursaut, mais je veux dire, on est passé à deux doigts, comme on est passé à deux doigts d'avoir Castaner à se mettre à genoux en l'honneur du pénis de l'acteur pornographique George Fentanyl Floyd. Et donc, si vous voulez, on n'a pas d'intérêt économique sur place. L'intérêt sécuritaire, pour moi, est une blague, parce que si la sécurité française est en jeu, on commencerait par les frontières françaises, si c'était vraiment le cas. Or, ce n'est pas le cas. On bouclerait toutes les mosquées radicales qui existent sur le territoire français, ça n'est pas le cas. On virerait par dizaines de milliers tous les extrémistes qui pullulent dans toutes les banlieues de France et de Navarre, ça n'est bien évidemment pas le cas. Donc on ne peut pas prendre au sérieux cet argument. Non mais là, à mon avis, hein, le pourquoi du comment de cette intervention-là au Mali, c'est pour sauver le cul des nègres hein, qui sont sous la menace de se faire... génocidé par les Touaregs du Nord. Alors bon, ça, c'est une chose de le faire pour le bien-être des nègres, d'une part, hein, parce que les nègres sont dieux, ça oui, mais aussi, parce qu'il y a encore beaucoup, je pense, dans l'appareil d'État français, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui ont dans l'idée la grandeur de la France et la francophonie. Hein oui, voilà. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, donc c'est pas la vie, c'est-à-dire que quand on soit des nègres, c'est parce que en fait on veut avoir notre influence sur notre troupeau de nègres, tu vois. C'est la raison principale. Alors on parle aussi, je précise d'avance, je sais pas la réponse à cette problématique, mais on parle aussi de ressources d'uranium qui serait au Mali. Et qui serait plus ou moins vital pour Veolia. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Non, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Je crois que la production d'uranium en Afrique, je crois que ça doit représenter quelque chose comme entre 10 et 15% de la production mondiale. Donc, si tu veux, c'est rien du tout. Je veux dire, le PIB annuel du Niger, je crois que ça doit représenter les coûts de retard de l'EPR, tu vois. Je veux dire, c'est ridicule de penser qu'on y va là-haut pour le Niger. Oui, d'accord, il y a des intérêts. Mais si tu veux, déjà, je ne suis même pas persuadé que ce soit des sociétés purement françaises, je crois, parce que c'est des consortiums où en fait, tu as des sociétés japonaises, d'autres chinoises. C'est jamais purement des intérêts français. Et je veux dire, quoi qu'il en soit, même s'il y a une hausse des cours suite à la non-exploitation des comment, du prix du yellow cake, hein, parce que c'est l'uranium, faut le transformer, hein, puisqu'il est il est présent en très très faible quantité, la densité est très très faible au Niger. Je veux dire, ça n'aura aucun impact sur le nucléaire français, aucun. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment le discours tiers-mondiste. Et oui, nous pillons les ressources d'Afrique. Je dirais, qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent des quelques grammes d'uranium qui se trouvent par mètre cube dans le désert? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils savent même pas ce que c'est. Évidemment, ils savent pas du tout ce que c'est. Mais c'est rien, je veux dire, en termes de coût, ce qui coûte cher, c'est pas de le sortir de terre. Ce qui coûte cher dans la filière nucléaire, ce sont les infrastructures. C'est complètement ridicule de penser ça. Enfin bon. De toute façon, tu vois, sur les fameux nègres vindicatifs là, dont parlait Gandalf, qui sont en Europe, chez nous, hein, qui parlent fort, ils ont une vision assez simple en fait de la chose. C'est-à-dire qu'imaginons qu'il y a un incident politique majeur en Afrique, genre un coup d'État, quelque chose qui nécessiterait l'usage de la force, quoi. Alors c'est simple. Si les Occidentaux n'y vont pas, vous entendez le discours, oui, pourquoi vous n'intervenez pas quand on a besoin de vous, vous nous laissez tomber. Et si vous y allez, hein, eh ben oui, vous êtes des colons, vous pillez les ressources, c'est de l'ingérence. Voilà. Donc en fait, prendre en considération les revendications de ces gens-là, bof. Hein. Bah, c'est ce qui s'est passé avec le Mali. En 2013, quand l'armée française est intervenue pour sauver les nègres, en fait, hein, qui allaient se faire réduire en esclavage en fait, par les Touaregs. C'était inévitable, et les Arabes, hein, ils allaient en faire qu'une bouchée. Ils étaient en train de gémir, de supplier, en hurlant comme ils savent si bien faire. Et quand la France est intervenue, l'armée française est intervenue sur ordre de Hollande, tous les nègres ont exulté. Ah, merci François Hollande, merci François Hollande. Ça n'arrêtait pas, ils étaient complètement extatiques, voilà. Mais c'est toujours le même cinéma, c'est ce que tu as dit. Voilà, au bout d'un moment, tu les remets au pouvoir, les nègres font les nègres, c'est-à-dire que tu as les blancs qui sont en train de saigner pendant ce temps-là, les types sont en train de se chamailler comme des singes, comme des macaques, pour savoir qui aura le poste de, comment dirais-je, de généralissime de la garde prétorienne qui compte 10 pelés, tu vois. Enfin, c'est des histoires de nègres, c'est Tintin au Congo. Si vous voulez comprendre ce que c'est l'Afrique, vous lisez Tintin au Congo, c'est exactement ça. Alors, du coup, c'est ma question, c'est ce que je dis, il ne faut même pas accepter de commencer à raisonner sur toutes ces questions-là, je veux dire, ça ne sert à rien, je veux dire, à partir du moment où vous dites, ah oui, alors il y a une faction là, peut-être que, non, vous avez perdu, parce que c'est comme en 2013, ouais, vous êtes accueilli en libérateur, ouais, vous êtes accueilli 6 mois en libérateur, vous voyez. Et après, vous repartez, les nègres vous hurlent dessus, vous insultent. Et quand vous arrivez en France, c'est-à-dire que quand les soldats français arrivent en France, ils se font encore insulter par les mêmes Maliens qui sont venus se planquer en France. Parce que ces mecs-là, ils se battent pas pour leur pays. Hein. On les entend beaucoup parler de leur pays en France. Hein. Mais il n'y en a pas un qui va aller se battre pour son pays là-bas. Hein. Raisonner sur ce que font les nôtres, en l'occurrence, donc cette femme blanche qui a trahi, hein, qui a manifesté son intention de rejoindre le camp. Fonctionnaire d'État français qui a pour projet de faire rayonner la francophonie, et donc la francophonie, c'est le même. Bah, moi, j'ai trouvé la réaction, par exemple, du Rassemblement National, alors je sais pourquoi ils ont réagi comme ça, mais j'ai trouvé que ça démontrait l'extrême faiblesse, l'extrême tiédeur aujourd'hui de ce parti qui, pour le coup, là, avait un boulevard en termes de communication et qui aurait pu, si vous voulez... cristalliser la réaction d'un grand nombre quand même de Français face à ce qui s'est passé. Ils ont dit oui, enfin, je ne sais plus ce qu'il a dit Bardella, là je l'ai entendu réagir, enfin, c'était quand même très mou en disant oui, il faudrait savoir ce qui s'est passé, les conditions de la négociation. Putain, mais moi j'aurais pas dit ça, j'aurais pris le micro, j'ai dit mais attendez, cette femme se solidarise de la cause djihadiste, les gens qu'on est en train de combattre. Elle doit être immédiatement interpellée, placé en détention et interrogé sur ses liens avec l'équipe. Qui l'a convaincu de ça? Avec qui a-t-elle discuté, etc. C'est ce qui devrait se passer. C'est ce qu'ils auraient dû demander. Elle dit, elle a rallié le camp ennemi. J'aime bien l'article mentionné qu'elle n'avait pas donné de description particulière de ses geôliers. Oui, donc en plus, elle se tait. Elle refuse de filer des informations. Je veux dire, mais on est où, là? Je veux dire, comme c'est une vieille qui revient de son truc, elle a été en détention. Non! Elle s'est solidarisée. Et s'il y avait une vraie droite nationaliste, c'est ce qu'ils auraient exigé. Cette femme doit être arrêtée, interrogée, pour qu'on en sache plus sur les raisons de son ralliement à la cause djihadiste. Ça, c'est une intelligence avec l'ennemi, ça porte un nom. Exactement. Les lois existent, il y avait de quoi faire. Bon, évidemment, tout le monde s'est fait avoir par le pathos, tout le monde pleure, voilà. Et on se fait toujours avoir par le pathos. Mais vraiment, je ne serais pas étonné qu'on ait foutu cette vieille peau dans les bras de Macron. Hein. Je ne serais pas étonné que ce soit une opération politique, soit des Maliens, soit des Algériens. Tout ça me paraît quand même. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est retrouvé avec ça dans les pattes. Hein, je pense que ça s'est passé très vite, parce qu'en fait, comme il y a eu un coup d'État à Bamako et que probablement les bonnes factions sont arrivées au pouvoir, les autres essayent d'arrondir les angles pour essayer, si tu veux, un peu de se normaliser. Donc ils disent, voilà, on va en relâcher quelques-uns. Donc ces otages vont finalement devenir utiles. Et Macron a vu ça se débloquer très rapidement, si tu veux. Et il n'a pas vraiment eu le temps d'anticiper, mais il s'est dit, c'est bon à prendre. Voilà, une otage libérée, c'est toujours bon à prendre. Ah oui, bien sûr, tu vois, c'est un cadeau un peu empoisonné, parce que derrière, c'est le spécialiste, regarde, il est allé au Liban. Moi, j'ai une position là-dessus, et j'ai une position de principe. Ne foutons plus nos nez dans l'ancien empire colonial. Ne foutons plus nos nez là-bas. Et n'acceptons plus leurs ressortissants. Si on va fourrer nos nez là-bas et qu'on accepte leurs ressortissants, ils importent leur guerre ethnique ou religieuse en France. Vous voyez, on les voit s'écharper sur les plateaux de télévision. Ils exigent de nous, en nous insultant, qu'on se mette à leur service. Alors évidemment, chacun de sa cause, bien entendu. Alors quand vous acceptez de servir la cause d'un, l'autre redouble d'insultes et de menaces contre vous, chez vous, sur votre territoire, sur vos plateaux de télévision. Voilà. Et moi, j'ai vu des commentateurs, là, les grands spécialistes, là, les gens des groupes de réflexion, il y en a beaucoup en France, et, là, alors, complètement enjoués, ils vous font des grandes théories, là, les Hesbourg, les Tertrais, tous ces cons. Là. On allait voir ce qu'on allait voir au Liban. Oh là là, des trucs melons, c'était ridicule. C'est fourré son nez dans un guépier. Le Liban est un, comme le Mali, c'est un non-État. Il n'y a que des bougnoules qui n'ont qu'une envie, c'est de s'entretuer. Vous avez des pays comme l'Iran, Israël, la Turquie, l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier les Américains qui sont là. Putain, mais vous fourrez votre nez. Vous voyez, vous arrivez avec la fanfare, le tapis rouge, vous tapez du poing sur la table comme a fait Macron, vous allez voir ce que vous allez voir, maintenant on va faire comme ci, on va faire comme ça. Putain, mais c'est sûr que ça va mal se terminer. Donc tu vois, Macron, il n'a pas de flair. Il n'a pas de flair politique. Non, mais je pense que les autres le sentent. Je pense qu'ils sentent que c'est un piètre négociateur. Très arrogant. Très arrogant, avec finalement pas beaucoup de poigne et de répondant. Beaucoup de com. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il a fait descendre deux pilotes de l'avion. Alors, il y avait une nana en tenue de pilote et une autre avec un uniforme de l'armée de l'air. C'était deux lieutenants, donc des pilotes très jeunes, mais deux nanas. Donc il faut vraiment, tu vois, qu'ils se foutent avec des nanas pour faire de la com, quoi. C'était assez rigolo. Ouais, mais tout ça est très cohérent, et je veux dire, enfin, il faut défendre notre point de vue, parce que là, l'État français, enfin cette République française croulant sous les nègres et les mahométans qui s'enferrent dans ces contradictions de plus en plus, on a eu l'occasion d'en parler ces dernières émissions, notamment ce projet de loi, là, soi-disant contre le séparatisme islamiste, qui est en fait un pur exercice de communication, où on apprend qu'on va former des imams et qu'on va enseigner la langue arabe encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre le radicalisme islamique. Alors moi, excusez-moi, hein, si les Arabes veulent apprendre, si les Maghrébins veulent apprendre l'arabe, en général, c'est pour lire le Coran. On digresse là, mais tu vois la mère Polonie, cette idiote, je veux dire vraiment. Notre auditeur, il parlait des femmes savantes, mais Polony, c'est typiquement ça, c'est une femme savante. A dit que en enseignant l'arabe aux jeunes maghrébins français, ils allaient rejeter la vision incréé de l'islam. Je sais pas si t'imagines, mais le délire, le... Putain, mais qu'est-ce qu'elle a dans le crâne? Ce qu'elle a dans le crâne, je vais te dire ce qu'elle a dans le crâne. Elle a dans le crâne ce que l'écrasante majorité des Blancs a dans le crâne, à savoir que les Blancs fonctionnent sur un ensemble de valeurs, comme ils les appellent, qu'ils projettent sur le reste du monde. C'est-à-dire que les Blancs, jadis le comprenaient mais ne le comprennent plus, par déformation d'ailleurs de ce espèce de syncrétisme entre l'ancien christianisme et ce droitlomisme universaliste là, c'est-à-dire qu'il y a une projection sur tous les peuples du monde, sur toutes les races, de ce que seraient les attentes du blanc, si vous voulez. Donc Polonie, en tant que bonne bourgeoise de centre-gauche, républicaine, et quand même un peu féministe, pas non plus excitée, mais enfin quand même d'une femme émancipée, bah, elle pense, si tu veux, que les Arabes, dans chaque petit Arabe, dans chaque petit Mohamed, sommeille en réalité, tu vois, un Jules Ferry, tu vois. Il faut savoir lui parler. Il va se réveiller, oui, Jules Ferry, non, mais tu vois. C'était rigolo parce que tu vois vraiment que cette nana, certainement très cultivée, très savante, je veux dire, profondément, mais je veux dire, naïve, quoi. C'est une pucelle. Je crois qu'elle a jamais fréquenté un maghrébin agressif de sa vie. Raconter des conneries pareilles. Si, si, elle les connaît. Elle est mariée avec l'autre, là. Comment il s'appelle? Le cuisinier. Voilà, bon, bah, il est maghrébin, lui. Non, c'est pas un juif, ça. Bon, c'est un chef. Bah oui, tu me diras, c'est un maghrébin. Hein. C'est pas. Comment il s'appelle? Perigo Legas, là, c'est ça? Noir. Il est brun, hein. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est tout le problème, c'est le problème qu'on a. C'est-à-dire que les Blancs passent leur temps, si vous voulez, encore et encore et encore, à essayer de projeter leurs valeurs, c'est-à-dire leur conception du monde, sur des races étrangères, d'une part, qui n'en veulent pas, et deuxièmement, qui sont incapables de les absorber. D'accord ? Ça ne fonctionne pas. Et les Blancs, et surtout la bourgeoisie blanche, refusent de le comprendre. Ils refusent. Donc ils essayent, ça échoue. Ils réessayent, ça rééchoue. Et il y a un côté Shadok hein, dans tout ça. Et si vous voulez, quand vous avez... Donc la voix raciste, donc typiquement nous, quoi. Hein, mais enfin, tous ceux qui sont opposés à l'immigration, qui disent, attendez, là, on parle de populations qui ne sont pas assimilables. C'est bah, en raison d'un gap racial, d'un gap cognitif, etc. Pour eux, on est le problème, si vous voulez. C'est pas la réalité le problème, c'est pas les Maghrébins le problème, c'est nous le problème. Pourquoi ? Bah, en fait, c'est parce que on touche du doigt leur propre incohérence, ça les met très, très mal à l'aise, il y a un phénomène de dissonance cognitive, et cette dissonance cognitive, ils essayent de la résoudre en nous diabolisant nous plutôt qu'en se remettant en question. Mais c'est très prévalent, hein, ce que raconte Polonie, c'est très prévalent, c'est ce qu'attendent, comment dirais-je, tous ces Blancs, qui croient, comment dirais-je, au mimétisme, en fait, qui croient que les autres, donc les autres races, vont devenir nous. Oui, oui, en les éduquant. En les éduquant. C'est ça, c'est ça. Mais c'est la mentalité de prof, quoi. Vraiment. Tout particulièrement les profs. La magie du verbe qui va, en fait, transformer les ethnies en nous. C'est vraiment, mais c'est une maladie. Là, la nana était catholique pratiquante. Hein, tu vois, les maçons avec la République universelle qui veulent transformer tous les petits bougnous en des républicains, mais Jules Ferry, c'est assez bien réparti comme caractéristique. Hein. C'est un mal qui est, pour le coup, racial. Bah, je veux dire... Une identification, une empathie à ce qui n'est pas, ce qui nous est pas semblable. Tu vois, c'est une incapacité à penser la différence, c'est une incapacité à penser la différence, à la comprendre, à comprendre ses limites. Il y a un refus radical des limites et qui est effectivement qui est transversal, c'est-à-dire que ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Au Rassemblement National, on croit à l'assimilation. Regardez ce qu'ils font avec Ossam Messia dit Jean. Ils essayent de vendre face. D'ailleurs, même, on se rend compte finalement, et c'est les étrangers en fait qui. De plus en plus conteste comment dire, l'autorité de la bourgeoisie blanche dominante, bon, et juive aussi, bien sûr, hein, mais qui la conteste de plus en plus bruyamment. Alors, c'est ce qu'on a appelé le mouvement indigéniste ou décolonial, bon, ce qui est complètement, c'est une inversion complète de la réalité, parce que ce sont eux les colons et pas des décolonisateurs, évidemment. C'est pas des indigènes, puisque ce sont des allogènes, donc il y a une inversion complète. On voit bien qu'on a affaire à des cas psychiatriques. Mais enfin, il y a une contestation justement de cette volonté d'assimilation de la part des républicains. Ils disent non, nous on ne veut pas de vos valeurs. Et ça va se terminer d'une façon très évidente. Ils vont dire on ne veut pas de votre république, on ne veut pas de votre régime, on ne veut pas de vos écoles, on ne veut pas de vos trucs. Et c'est là qu'ils commencent à se poser des questions les autres et qu'ils parlent de séparatisme islamique. Bon, ça n'ira nulle part, mais c'est vraiment très prévalent. Ils insistent, ils veulent aller jusqu'au bout et ça se retrouve dans la politique étrangère. L'affaire malienne, c'est quoi? C'est la République française qui dit on va aller au Mali et on va transformer des nègres qui vivent pour l'essentiel encore au néolithique en une réplique de la République française. On va faire du Mali une magnifique république avec des citoyens, n'est-ce pas, qui vont accéder à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Voilà, c'est et j'ajouterai et à la francophonie. Et à la francophonie, c'est du délire. C'est du délire. C'est du délire. Et on est dedans, ouais. Et c'est vrai au Liban. Et c'est, et il faut rompre avec ça. C'est-à-dire, et là, j'en termine et je vous donne la parole. Mais pour nous, hein, dans nos milieux, il faut que ça soit clair. On ne veut pas assimiler ces gens-là. On ne veut pas que des Noirs, peu importe de quelle ethnie, de quel pays, que des Maghrébins, que des Égyptiens, que des Turcs, on ne veut pas qu'ils deviennent des Français de papier ou je ne sais quoi, ou qu'ils essayent de s'assimiler. Voilà. Parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Plus vite on arrêtera les frais, mieux ça vaudra. Et c'est tout aussi vrai en politique extérieure qu'en politique intérieure. Donc arrêtons d'essayer d'assimiler, de républicaniser ce qui ne pourra jamais être nous. Parce qu'ils sont différents. Ils resteront toujours différents. Et il faut insister sur ce différentialisme. Nous sommes différentialistes, racialistes, ethno-différentialistes. Voilà. Et ça, c'est très, il faut le marteler. Et ça appelle des conséquences en politique extérieure. Voilà. Donc non, n'allons pas fourrer notre nez au Liban, ça ne sert à rien. N'allons pas fourrer notre nez au Mali, ça ne sert à rien. Et virons tous ces gens-là de chez nous. Voilà, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Alexis, tu voulais dire quelque chose. Oui, plutôt sur un point de détail, comme dirait l'autre. On a dit beaucoup de choses sur le Mali, mais je ne crois pas qu'on ait parlé de sa superficie, si vous regardez la carte. Comme le dit Lugan, en gros, le Mali, c'est grand comme si on allait de la côte atlantique, hein, mettons, je ne sais pas, la Bretagne, le Portugal, n'importe. Jusqu'à Moscou, en fait, c'est à peu près cette superficie-là. Donc, même si vous souhaitez, avec même la meilleure volonté du monde et tout ça, vouloir tout réorganiser, contrôler, lutter contre diverses factions, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, c'est impossible, puisque c'est, en fait, ça fait toute l'Europe occidentale. Donc, ça fait l'équivalent en kilomètres carrés. Ouais, bien sûr. Oui, c'est une chimère. Alors, restons sur la lancée, comment dire, de la France francophone, hein, et on va aller à la Courneuve avec ce fait divers qui a quand même... On reste au Mali, c'est ça? On reste au Mali, enfin, on remonte un peu quand même, hein, vers la frontière algérienne, quoi, entre le Mali et l'Algérie, quoi, mais on reste résolument sur l'Afrique, mais francophone. C'est important. Alors, c'est un fait divers donc, hein, qui a fait causer, hein, dans le landerneau politique, en tout cas dans les milieux souverainistes. Alors, je vous livre cet article, hein, je vais vous donner la source quand même. Oui, c'est Le Parisien. Le journal Le Parisien. Alors, l'élu de la Courneuve avait dérapé en garde à vue. Tel est le titre, hein, de l'article. Il assure avoir seulement voulu poser des questions à Emmanuel Macron. Mais le 7 avril dernier, jour de visite présidentielle à la Courneuve, Mohamed Bektaoui a dérapé. Il était jugé ce mardi pour outrage et apologie du terrorisme au tribunal de Bobigny. Avril 2020, Mohamed Bektaoui, 37 ans, est fraîchement élu. C'est son premier mandat sous l'étiquette de l'UPR, Union Populaire Républicaine, une formation souverainiste, et dans cette mairie dirigée par le maire communiste Gilles Pou, porte bien son nom, je trouve, qui vient d'être réélu au premier tour, il s'apprête à siéger sur les bancs de l'opposition. Ce mardi-là, la Courneuve pavoise. Emmanuel Macron est attendu au Centre d'Action Sociale, le CCAS. Gilles Pou, auréolé de sa victoire, est sur un petit nuage. Mais nous sommes en pleine pandémie de Covid. La Seine-Saint-Denis est l'un des départements les plus fortement touchés de France. Or, tout le monde veut parler au président. Alors, tout le monde, c'est toute la population de la Courneuve, hein, vous avez bien compris. Mohamed Bektaoui est aux premières loges. Il a des questions à lui poser, assure-t-il. La police pense plutôt qu'il est venu faire un scandale. Tout excité, il en a oublié son masque et son attestation de sortie. Il se fait rapidement repérer par la police, qui le connaît pour d'autres raisons. Comme il l'avoue lui-même, il a un passé, et a accumulé les vols, les outrages et les conduites sans permis. Il totalise 21 mentions à son casier. La commissaire de la Courneuve et ses troupes constatent qu'il sort pour la troisième fois sans l'indispensable autorisation, un délit qui justifie sa garde à vue. Jusque-là, tout va bien. Mais au commissariat, sur le banc de vérification, avant son placement en cellule, il a vrillé, résume le substitut du procureur. Un brigadier-chef rapporte les propos surprenants de l'élu. « Je vais devenir le nouveau Mohamed Merah. J'ai eu la chance de le côtoyer, il m'a ouvert les yeux, je vais faire un carnage !» Puis il aurait lancé plusieurs fois « Allahu Akbar » à la tête du policier. Quel accent, Gandalf, Moi, je subis les influences hein, aussi, hein, je chemine tranquillement vers l'islam. Je chemine tranquillement vers l'islam. Il répète que cette garde à vue est injuste. C'est une mascarade pour l'empêcher de réussir en politique, croit-il. Il voulait juste poser une question au président, répétera-t-il devant le tribunal. Au commissariat, vers 2h du matin, pris d'une envie pressante, il tambourine sur la porte de la cellule, nouvel esclandre. Il finit par uriner sur le sol, il continue de s'agiter et aurait essayé d'agripper la caméra de vidéosurveillance. Il n'est pas très haut sur pattes et la caméra est à 2,50 m, remarque maître Frédéric Beaufils. Son avocat balaye aussi la thèse de l'apologie du terrorisme. Nous ne sommes pas dans un lieu public, il n'est donc pas punissable. Il va obtenir gain de cause et sera relaxé sur ce point. Ah, l'expert psychiatre relève une fragilité psychologique. Il a un discours cohérent, mais pas adapté, et pas de propos délirants. Voilà, donc en fait, Mohamed est quelqu'un de bien, hein, il est rationnel, c'est quelqu'un qui est en pleine forme. Il a été relaxé hein, pour le délit d'apologie de terrorisme, puisqu'en fait, quand tu dis donc que tu es le nouveau Mohamed Merah, que tu vas faire un carnage et que tu hurles à la Akbar, ce n'est pas l'apologie du terrorisme, hein, on est bien d'accord. Je me rappelle, c'est un élu de la République. C'est un élu de la République, et pas n'importe lequel, c'est un élu de la République souverainiste, c'est-à-dire que c'est la France libre. C'est ça, voilà. Alors, justement, Derrick, poursuivons sur notre lancée de la France souveraine, francophone, qui défend les valeurs de la République. Hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu vas peut-être adhérer à l'UPR, toi aussi, finalement, te laisser tenter par l'aventure ? Moi, je ne sais pas si je le ferai, mais je sais que l'UPR est très... très intéressés par ma religion. Et ils sont... Oui. Là, en l'occurrence, M. Bektaoui, mais sont nombreux, hein, sont nombreux, que ce soit des Nord-Africains ou des Nègres, hein, à être... à porter au cœur la souveraineté de la souveraineté de la France. Non, c'est merveilleux, c'est fascinant. Hein. Quand on prend les... Bon, là, avec cette semaine, on a tous les stéréotypes, tous les cas... Ouais, non, c'est fou. Les révisions. Ouais. Vous avez bien appris vos cours, Voilà, donc vous prenez tel élément, tel autre, et encore un autre, ça fait quoi vous, le résultat, c'est quoi? Bon, le résultat, c'est souveraineté nationale, hein, le souverainisme français, c'est d'où ça vient, des populations issues de, de notre ex-empire français, donc des francophones, tu mets ça en France. En Île-de-France, plus particulièrement. En Île-de-France, pas en Île-de-France. Alors, tu les fais et tu les rends élus de la République, s'il te plaît. Oui, oui, en plus, avec une écharpe tricolore. Ah, l'écharpe tricolore. Eh ben oui, le blanc, c'est toujours mieux. Et, eh bien, à la Wagbar, bien entendu. Ouais, tu mets ça dans le mille, tu mets ça dans le milkshake, tu secoues bien. À la Wagbar. À la Wagbar, Mohamed Merah, je pisse par terre, hein, parce que quand même, voilà. Bon, il sentait que il se sentait pas en sécurité dans sa cellule. Donc, il fallait qu'il marche comme les chiens. Pourquoi les musulmans détestent les chiens? Bon, parce qu'ils ont certains comportements qui peuvent être similaires. Hein. La concurrence. Ouais. Et la concurrence. Oui, oui, lui, il a pissé là. Non, c'est à moi. Non, moi aussi, je pisse là. Voilà. Il a été relaxé, hein, je tiens à le souligner quand même. A été relaxé puisque ce n'était pas un lieu public. Donc, c'est bon à savoir. On, voilà. Bien, on peut le dire devant des flics. Ouais. Parce que c'est pas un lieu public. Donc, voilà. Dans une prison. Donc, est-ce qu'on peut dire des choses sur les juifs aussi dans les comicos, ouais. Sans que ça nous soit reproché. Parce que c'est pas un lieu public. Je m'interroge, hein, moi aussi. Hein. Ouais. On va peut-être se faire mettre en garde à vue tous pour dire des choses sur les juifs ouais. De manière libre. Bon, je pense que ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas la bonne couleur. Hein. On ne passe pas le spectre colorimétrique. Mais non, mais voilà, très intéressant. La recette, hein, les éléments de la recette ont été assemblés. On a bien fait cuire comme il faut. On a le résultat attendu. Alors moi j'ai une question, est-ce que finalement, parce qu'on a eu moqué même ici hein, François Asselineau quand il disait, vous savez que les Français avaient beaucoup plus de choses en commun avec des Tunisiens, des Marocains ou des Sénégalais qu'avec des Lettons. Il y avait des Maliens d'ailleurs pour le coup, on reste dans le ton. Ah d'accord, bah, il avait plutôt raison en fait. Hein. Il était en avance. Il était en avance, hein. Ouais, hein. Les Français ont effectivement plus de choses en commun avec des Maliens ou des Algériens. Hein. Ben, que... c'est ce qui fait que moi, dès que j'entends quelque chose, quelques discours politiques que ce soit, où je vois marqué français, je me méfie. Je me dis, ah, là, on veut me vendre nègre, on veut me vendre, on veut vendre un djihadiste sous le manteau. Hein, il est caché sous la nappe, ils vont me le ressortir. Hein, et dès que vous entendez un type qui parle de droite, qui vous parle de France, il y a un discours. Sous quel terme? Qu'est-ce que tu veux dire? Il parle de France. Dans quel... Les politiques qui défendent la grandeur de la France. La grandeur de la France, ouais. Oui, la grandeur de la France. La grandeur de la France, etc. Ils veulent vous refourguer les nègres. Ah, mais les hommes politiques adorent les nègres. Tu le sais bien, Derek. Ah, mais lui, il insiste sur la dimension, sur ceux qui essayent de peut-être qu'ils... Oui, oui, non, il dit, voilà, la nostalgie impériale, dira-t-on. Ouais, nostalgie impériale, l'empire colonial, la grande France, etc. On va rayonner sur le monde. La grande nation. La grande nation, voilà, contre les barbares, les germains, hein, c'est saloperie. Hein. Bon. Mais il faut faire nation, il faut faire nation. Hein, il faut faire nation. À la Courneuve. Mais voilà. Mais voilà. Donc, heureusement, remarquez, si vous voyez face quelque part, on va vous... Voilà, c'est-à-dire le produit il est beau, mais comme disait McDav, rappelé à propos de l'expression de Talleyrand, on va vous filer une pomme à la merde. Voilà. systématique. Allez, peut-être quelques exceptions, quand je dis quelques, c'est quelques, peut-être une ou deux, pas plus. Lesquelles? C'est très minoritaire, je ne sais pas, des gens, des nationalistes français. Ah. Très minoritaire, etc. Bah, tu sais, c'est pas tellement vrai parce qu'en fait, bon. Et encore si on creuse. Bah, malheureusement, tu vois, tu prends quelqu'un comme Bruno Gollnisch, tu vois, qui est très estimable, hein, je veux dire. À un moment donné, on lui avait posé une question. Pourtant, il essaye d'être assez. Enfin, maintenant, il est quand même très retiré, mais jadis, il n'hésitait pas à mettre non plus les pieds dans le plat, quoi. Voilà, bon. Et un coup, on lui avait demandé, voilà, l'Union européenne. Alors, évidemment, il était pour la sortie de l'Union européenne, en tout cas, très bien. Mais on lui dit, alors, bon, mais ça serait quoi l'alternative et tout pour la France? Et c'est dit, ah bah, mais la francophonie, tu vois, c'était. Il n'y a rien à faire, quoi. Je veux dire, et en fait, tu te rends compte que quand les types. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, moi, je veux bien hein, tout ce qu'on veut sur l'Union européenne, Bruxelles et tout. Bon, c'est évident, parce qu'au fond, c'est une structure. Un cosmopolite qui a tous les travers qu'on connaît même en France, quoi. Mais quand on dit voilà, on va quitter ça, ok. En fait, il y a une ambiguïté qui est volontairement entretenue par la plupart des souverainistes, parce que contrairement à une idée reçue, le souverainisme, alors on peut parler du souverainisme comme idée, mais moi je préfère parler des souverainistes, c'est-à-dire des partis, des figures, individus, des groupes politiques, voilà, et des programmes qui mettent en avant. Et quand on s'intéresse donc aux souverainistes, et pas au souverainisme, mais aux souverainistes, on découvre en fait que quand ils parlent de l'Europe, ils parlent pas de l'Union européenne. Ils parlent aussi de l'Union européenne, mais ils parlent de l'Europe vraiment comme continent. Et à chaque fois, comme ils sentent que la France, bon bah toute seule. C'est bon, face au continent européen, bon voilà, et tout de suite ils se précipitent, ils cherchent leurs auxiliaires que sont évidemment les Sénégalais, les Nord-Africains, les Nègres. Alors et puis alors là par contre ils ont les yeux de chimène pour ces populations là. Donc on nous explique, mais c'est ce qu'avait fait Mélenchon avait sorti ce truc là sur les Baltes. C'est pas uniquement François Asselineau, et je trouve ça très très révélateur, quoi. Il y a un inconscient partagé. Donc Mélenchon, un coup, je me rappelle, c'était une campagne, mais c'était une campagne européenne, quoi, hein. Me demandez plus laquelle et tout. Alors Mélenchon, il est en déplacement dans un TER. Et il est suivi, je crois, par c'est pas France 2, c'est un média comme ça, quoi. Et alors il discute avec des gens qui sont dans le TER, etc. Et alors c'est Mélenchon, tu sais comment il est, quoi. Il a un côté caniveau très naturel, tu vois. Le mec il donne du tu à des gens qu'il connaît pas, tu vois. Alors je crois qu'on parlait de la question de la future adhésion justement des pays baltes, etc. Et Mélenchon, tu sais, il était très remonté, quoi. Il était vraiment, on sentait que ça le touchait personnellement. Et il s'adresse à un type qui est dans le TER, comme ça, il le regarde droit dans les yeux, il dit, mais t'as déjà vu un balte, toi? Il s'énerve comme ça, t'as déjà vu un balte, toi? Tu sais, il dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces gens, etc. Et il enchaîne en disant, voilà, l'Afrique, je sais pas quoi, quoi. Bon, bref, il est né au Maroc, hein, je précise pour ceux qui. Donc, pour lui, l'empire colonial, Mélenchon, c'est pas une idée, hein. Il est né sous l'ère coloniale. Dans le Maroc colonial, c'est son enfance, c'est son milieu, c'est ça qu'il aime, et c'est ce qu'il expliquera par la suite. On a déjà diffusé des extraits dans l'émission, les gens connaissent ça par cœur. Il dit voilà, quand on a quitté après la décolonisation, on a quitté le Maroc et qu'on est arrivé en Normandie parce que c'est là qu'on s'est retrouvé. Il y avait que des blancs, il y avait que des blonds. Il a été traumatisé par le fait de devoir vivre dans son adolescence au milieu de Français, de souche française. Ça l'a traumatisé. Et donc, le type, depuis tout ce temps-là, il se démène pour importer, autant que faire se peut, le souk qu'il a connu dans son enfance. Alors, ça, c'est Mélenchon. Mais vous prenez un mec comme Asselineau, qui vient de chez du RPR, Pasqua, et tout ça, vous découvrez, sans aucune surprise pour des gens comme nous, mais vous découvrez que c'est le même discours. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des Baltes? Et en fait, quand il parle des Baltes, ils veulent dire les Blancs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des Blancs? Nous, notre truc, notre cam, c'est nos nègres. Voilà, ça, c'est nos nègres. Voilà, mais c'est vraiment très prévalent. Alors, du coup, bon, au bout d'un moment, si vous voulez, ce genre de discours a des conséquences très pratiques. C'est-à-dire qu'ils recrutent forcément beaucoup d'Arabes, beaucoup de Maghrébins. Ils s'enorgueillissent. Je me rappelle que, François Asselineau avait fait un déplacement en banlieue. Et il s'était vanté justement de recruter dans ces quartiers-là, hein, dans des quartiers pourris où il n'y a plus un Français. Voilà, bon, il était très fier. Ça le bottait, quoi, vous voyez. Ça dit tout d'un mec, hein, je veux dire. Asselineau, lui, vous voyez, il est attiré par la merde. Et tous ces mecs-là sont attirés par la merde. Ils vont vers les poubelles, naturellement, vous voyez. Il ne va pas aller au contact des Français de souche qui souffrent dans des territoires qui sont progressivement abandonnés. Je sais pas, enfin, il y aura des tas de départements à citer, quoi. Aller voir les vrais Gaulois, vous voyez, voir. Pas preneur. Par contre, tu vois, aller en Guyane, poser quelque part dans un bled en Afrique, discuter avec la diaspora africaine quelque part en Île-de-France, voilà, là, le mec est exalté, vous voyez, ça lui parle. C'est ses enfants. Ça dit tout, quoi. Bon, au bout d'un moment, quand vous recrutez dans ces milieux-là, bah, les types, ils disent tout haut ce que les Maghrébins pensent tout bas. Hein. Mohamed Merah, il m'a convaincu. Alors, voilà quoi. Et même, j'ai même envie de dire, hein, quelque part, le Rassemblement National, ça va finir comme ça. Hein, ça va finir comme ça. Inévitablement. Parce qu'ils vont se faire contaminer. Alors je vois qu'il... Parce qu'en plus... Ça va finir, tu penses que tu es... On n'a pas encore gaulé un mec... On avait gaulé une négresse, rappelez-vous, dans le sud-ouest, là, du RN, qui avait tabassé des mecs en les traitant de sales blancs et tout. Ouais, elle était au RN et tout, c'était une élue du RN, c'était drôle. Donc c'est vrai qu'on y est, mais je veux dire, on n'est pas encore avec des mecs qui crient « Vive Mera », etc., au Rassemblement National. Ceci étant dit, vu le zèle qu'ils mettent à chasser les blancs, les derniers blancs un peu insoumis, dans leur organisation, c'est-à-dire le moins blanc qui va tousser un peu sur Facebook, il est immédiatement viré sous les applaudissements de Louis Alliot et de Marine Le Pen, qui s'excuse platement devant les banlieues. Hein, dit, ah, désolé, voilà. Bon, bah, quand tu mets autant d'allants à virer les derniers blancs qui n'ont pas envie de crever en France, et que tu dis, voilà, nous on recrute des Français, alors quand Marine Le Pen parle de Français, vous comprenez bien que c'est des Français... de toutes les couleurs, hein. ils sont multicolores. Hein. On va finir comme l'UPR et comme d'autres partis, c'est-à-dire Mohamed Merah m'a convaincu. Voilà. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'à ce moment-là, je me projette à 20 ans, hein, je suis pas sûr qu'à ce moment-là, dans 20 ans, le Rassemblement National, ou peu importe le nom qu'il portera, mettra le zèle qu'il met actuellement pour virer les blancs énervés de sa structure, hein, pour virer ce genre de clients. Hein. Je suis pas sûr du tout. Hein. On va peut-être se retrouver à un moment, vous voyez, comme Jean-Marie Le Pen, vous savez, quand il excusait un peu les propos de tel ou tel élu, ou quand il y avait des skins, ou je sais pas, il était là, bon, oui, vous comprenez, oh, les jeunes, etc. Bah, ça sera un peu la même chose, hein, on aura peut-être le leader du RN qui dit, oh, bah, les jeunes, faut leur passer. Hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Quelqu'un veut-il dire quelque chose sur le... l'UPRisation du souverainisme. Ouais, bah, méfiez-vous de la France. Quoi. Oui, si quelqu'un vient vous voir dans les chiottes et vous dit est-ce que vous connaissez l'UPR, faites gaffe, vous allez vite finir avec des adeptes de Mohamed Merah. Ah oui, il peut vous égorger. Hein, est-ce que Asselineau n'aime pas les jeunes garçons africains? Ah oui. Alors oui, les jeunes orientaux. Les jeunes et faibles orientaux, ouais. Ouais. Ah, il y a une continuité, hein, peut-être. Hein. Oui, je pense, tu vois, on dit du mal des pannes, mais écoute, regarde un petit peu ce qu'on a à la tête des mouvements souverainistes français. C'est pas plus glorieux. Faut-il rappeler l'origine du souverainisme, Magda? Oui, alors, tu veux parler des backrooms, c'est ça? Je veux parler effectivement de Paul-Marie Couteau qui a découvert Charles de Gaulle au petit matin après s'être fait sodomiser par plusieurs personnes, hein, par plusieurs choses, toute une nuit. Donc, et puis, ayant la tête à terre, sous un meuble, il a trouvé un bouquin de Charles de Gaulle. Alors, c'était pas un bouquin. Ah, mais c'est les chaînes qu'on abat de Malraux, je crois. Ah, c'est d'accord. Ah, putain, j'ai cru que c'était les mémoires d'espoir. Non. C'était les chaînes qu'on abat de Malraux qu'il a découvert sous voilà. Et donc, révélation. Donc, pendant qu'il avait un anus qui lui tapait le fond du cul, un gland qui lui tapait le fond du cul, il était en train de dire du Malraux. enchaîné dans un macrome. Eh non, mais attends, le fameux Africain en question, là, ouais. Il a bien dit qu'il est arrivé au souverainisme par le côté délinquant, non? C'est pas ça qu'il disait, tout de suite? Non, non, qu'il avait un passé, quoi. Il avait un passé criminel. Durant le procès, il a reconnu que voilà, il avait un casier. Mais non, non, il a pas fait le lien. Il a pas dit voilà. 21 mentions quand même au casier. Oh, c'est la moyenne, hein, quand t'es un jeune. Un jeune. Bon, oui, un jeune en France, le jeune instant, c'est quel âge en France? C'est 45 ans, c'est ça? Bon, mineur non accompagné, tu peux aller jusqu'à 35 ans. Ouais, ouais, c'est vrai. Faudé. Ouais, jeune instant. Un jeune. Bah, en tout cas, sauf si t'es un blanc radical, hein. Si t'es un blanc radical. Ouais. T'es majeur à 18 ans, stricto sensu, évidemment. On doit trouver des circonstances pour dire que, bon, quand même, là... Tiens, bah d'ailleurs, moi, j'ai une protestation à faire solennelle. Quand ils s'en prennent à des jeunes blancs radicalisés, comme ils disent, là, en fait, jeunes blancs radicalisés, c'est quand t'en as marre de te faire submerger de nègres musulmans. Et de, les jeunes blancs, c'est pas raciste. Ouais, voilà. Bon, donc, voilà, bon... Juste pour restituer. Mais pourquoi on n'a pas le droit à tout le discours sur « Oui, mais vous comprenez, ils ont eu une enfance difficile et tout, il faudrait des programmes pour les réinsérer. » J'ai jamais entendu ça, vous voyez, on est toujours juste des ordures. Racisme systémique, donc ça marche pas. On est du côté des dominants, en fait. Voilà, alors c'est pas... Ouais, non, c'est pas... Les juifs, ils ont la carte Shoah, donc non, le blanc, il est là, tu veux dire, pour expier. Ouais, puis si on nous envoie dans un programme de déradicalisation, je doute qu'on nous fasse caresser des hamsters. Hein. Ce sera éventuellement, tu sais, un petit peu à la Stanley Kubrick, on te mettra dans un fauteuil et on t'imposera 8 heures de Shoah de Claude Lanzmann ou des trucs comme ça, où tu devrais... Le collège. C'est vrai. J'avais oublié. Ouais, t'avais oublié que t'avais grandi dans un film de Kubrick, en fait. Bon, ça va, j'ai de la chance, j'ai échappé à Sam. Le film de Kubrick auquel vous faites référence, c'est Orange Mécanique. Et donc, c'est Overton qui avait repris ce mot France Orange Mécanique pour faire son livre qu'il a fait connaître sur la délinquance en France et les viols, etc., qui sont pas recensés. Donc voilà, nous, ce sera pas vraiment la version... On ne nous demandera pas d'adhérer aux thèses de Laurent Oberton, ce sera plutôt, justement, le film de Kubrick. Oui, tout à fait. Alors, messieurs, je vous propose d'enchaîner avec la rubrique numéro 4, les sales juifs de la semaine. On reste, en fait, sur la lignée, vous allez voir, avec un magnifique programme social. Moi, j'ai été vraiment séduit par cette approche. Je m'y attendais pas, et c'est convaincant, hein. Donc c'est dans Le Parisien. Alors, voici ce que ça dit, hein. Vous allez vite découvrir de qui il s'agit pour les protagonistes. Alors, Paris, avec la colocation solidaire, l'idée, c'est de fabriquer des Français. On peut résumer à peu près toute la vie politique française à ça, hein. Tout ce qu'on a dit là précédemment, c'est ça, hein, c'est l'idée centrale, c'est fabriquer des Français. Alors, en Somalie, je vous fais sans l'accent bien sûr, hein, en Somalie, j'entendais parler du Louvre, et je me disais qu'un jour, j'irais le visiter, confie Yassine Jama, arrivé en France fin 2016. Réfugié politique, ce jeune homme de 32 ans vient de réaliser son rêve. C'était trop bien, s'exclame Yassine, qui s'est rendu dans l'ancien palais des rois de France, en voisin, puisque depuis septembre, il habite à deux pas du plus grand musée du monde. Au 18 rue Jean-Jacques Rousseau, précisément, donc vous savez où le trouver, hein, où il bénéficie de la colocation solidaire et multiculturelle, c'est officiel, hein, c'est le label, hein, mise en place par l'association Caracol, dans les locaux préemptés il y a 2 ans par la ville de Paris via l'un de ses bailleurs sociaux, la RIVP. Pour son studio, sur cour de 24 mètres carrés, le jeune Somalien qui gagne sa vie en traduisant en français des textes écrits en arabe, en anglais, en swahili et en somalien, paye un loyer de 75 euros par mois. Hein, c'est modeste. Moi qui ai passé 2 ans dans des centres d'accueil, dans des locaux pas toujours très propres, j'apprécie d'habiter dans le centre de Paris. Cela change beaucoup ma vie. Je n'ai plus à me soucier de trouver un logement et je peux construire mon avenir en France. S'enthousiasme, Yacine. Bah, il a raison d'être enthousiaste. Disposant d'une surface de 1050 m² répartie sur 5 étages, cet immeuble du début du 19e siècle, situé entre Le Louvre et Les Halles, est en bon état. Cette opération de taille moyenne est d'autant plus intéressante que ce bâtiment est situé dans un arrondissement central, souligne Serge Conta, directeur général de la RIVP, qui prévoit de rénover les lieux où seront livrés début 2023 34 logements sociaux, dont 26 studios. Alors là, c'est des logements sociaux de caractère, hein, puisque c'est contemporain de Napoléon Bonaparte. Comme les travaux ne débuteront pas avant septembre 2021, et conformément à l'article 29 de la loi Elan, l'association Caracol, créée il y a 2 ans pour développer ses colocations très novatrices, s'est vue confier la responsabilité de ce projet ambitieux, sachant que les lieux devront être libérés en septembre prochain. L'association Unity Cube, spécialisée dans les dispositifs d'occupation temporaire à vocation solidaire et le pôle d'accueil des réfugiés du mouvement Habitat et Humanisme, sont aussi partie prenante de cette expérience qui constitue une première à Paris. Depuis 1 an, des initiatives similaires ont été mises en place à Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, et à La Roche-sur-Yon, en Vendée, et à Toulouse, en Haute-Garonne. Bah, voyez, ça se répand. D'un côté, il y a des milliers de mètres carrés vacants, de l'autre, 12 000 personnes ayant le statut de réfugié qui se retrouvent à la rue, parce qu'une fois ce statut obtenu, vous avez 6 mois pour quitter le centre d'hébergement d'urgence, d'où l'idée de ces occupations temporaires. Explique Elisa Desquet, responsable du développement de Caracol, et de poursuivre, comme le but n'est pas de mettre les mêmes problématiques sous le même toit pour ne pas créer un ghetto, nous faisons en sorte que des Français cohabitent avec les réfugiés. Adjoint au logement et à l'hébergement d'urgence, Yann Brossa, hein, du Parti communiste français, donc qui est d'origine juive, souligne que cette colocation entre réfugiés et Français est une première. Cette cohabitation va permettre une vraie intégration des bénéficiaires. L'idée, c'est de fabriquer des Français. Voilà. Yann Brossa fabrique des Français. Maire de Paris-Centre, Ariel Weil. Parti socialiste ajoute, alors Ariel Weil aussi est d'origine juive, ce qui ne peut pas se louper quand vous regardez une photographie d'Ariel Weil, et je ne vous recommande que trop chaudement de le faire. Hein, attention quand même à votre écran, il pourrait quand même craquer. Hein. Alors cette intervention quasi chirurgicale au centre de Paris, où les possibilités d'agir sur le foncier sont très limitées, va se traduire par une mixité à l'échelle de la rue et même de l'immeuble. Ariel Weil est enthousiaste. Alors attention, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Hein. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Infirmière au service réanimation de l'hôpital Cochin. Karima Saïdani est l'une des locataires les plus anciennes à cette adresse où elle vit depuis 15 ans. Tout en souhaitant la bienvenue à ses nouveaux voisins et le succès de l'expérience, cette habitante déplore néanmoins le bruit parfois jusqu'à 3 heures du matin, d'autant que l'immeuble est très mal insonorisé. Alors du coup, adjoint à l'intégration, hein, Jean-Luc Romero, qu'on connaît ici, hein, Jean-Luc, c'est un ami bien sûr, d'origine juive aussi d'ailleurs. Alors il en dit combien aussi, hein. Il est homosexuel, hein, comme Ariel Weil d'ailleurs, et comme Yann Brossa, hein. C'est marrant, ils sont juifs et pédés, et de gauche. Quoi. Alors il en dit combien pas, hein, Romero, peut-être qu'il y a des choses à revoir, hein. Alors pas sur le principe, hein, c'est sur le fond. Mais nous n'avons tous qu'une envie, que chacun puisse cohabiter ici, en paix. Donc en paix avec des Somaliens musulmans. Alors, messieurs, c'est quand même un très beau conte d'intégration, d'assimilation républicaine, moi je m'en félicite. On fabrique des Français au Louvre, hein. Maintenant on est à 2 pas du Louvre, pour 75 € par mois, nous dit-on. Il est pratiquement français là, moi. Bon, il n'a pas encore les papiers, mais bon il l'est déjà, voilà, c'est dans les tuyaux. Qu'est-ce que vous voulez me dire de tout ça? Est-ce que il y a quelque chose que vous auriez envie de peut-être féliciter Yann Brossa pour son concept ou quelque chose? Bah, déjà, Gandalf, t'as oublié de nous dire qui est-ce qui allait payer en fait pour tout ça dans cet article-là. J'ai pas trouvé l'information. Bah, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Ah oui, c'est ça donc. Voilà. Ah. Ouais, je suis baisé. Allez me sortir ton discours là de libéral outré là. Et là, t'es là, je t'ai coincé là. Ah ouais. Échec et mat. Ouais, 75 euros. J'ai vérifié le prix du mètre carré dans le secteur. C'est normalement là, c'est, il devrait payer au minimum hein, 1000 euros pour son 24 mètres carrés, hein, mais minimum. Hein. Ah oui, c'est je pense que 1000 euros, c'est dans des quartiers même moins huppés que ça. Ouais. Mais bon, j'ai regardé les offres qu'il y avait dans le secteur, etc. Mais après, bon, voilà, ce sont des offres. Faudrait voir. On remarque quand même une convergence avec. Projet France, hein, projet souverainisme français, c'est l'idée que c'est de faire des Français. Oui. C'est le même projet qui est de faire des Français au Mali aussi. Hein, oui. Faire des Français en France, tout ça avec des nègres. Oui. Ouais. La Courneuve aussi, on peut en faire des Français. La Courneuve, là encore, c'est du Somalien. C'est une ouais. Race, ben c'est, ouais, ça pique un peu bien quand même. Bien particulière, hein, de nègres. Ouais, c'est une des plus agressives. Hein. Oui, c'est une des plus. Plus sympathique. Bah ouais. Attends, apparemment en Somalie, il entend parler du Louvre. Ah oui. Ah, bien sûr, ah oui. Ça, c'est quoi le Louvre en Somalie? Les Somaliens sont, ah bah, ils sont très cultivés en Somalie. Je, comment dire, moi, ce que j'ai noté là, dans cette histoire-là, c'est la réaction justement de ce que j'attendais. C'est-à-dire la droite, droite assimilationniste, droite. Francaoui, mais juif aussi. Hein. Bon. Alors, t'as des éléments là-dessus? Oui, oui, causeur par rapport à cette affaire-là, nous dit que. Donc, Elisabeth Lévy, on en a parlé la semaine dernière sur l'Arménie, ouais, ouais. Oui, de Gilles Mihaïli, aussi, hein, que les deux sont cofondateurs. Il est israélien, pour ceux qui ne sauraient pas. Hein. Israélien. Dans cette. Dommage, hein, dans le communautaire, donc. Donc oui, il se plaint du fait que c'est un piège qui est tendu, parce que en fait, si on critique le fait de mettre des nègres en face du Louvre et de s'en occuper, on critique le fait d'assimiler des nègres à la France. Ah alors, oui, donc la critique, c'est de priver, si on proteste contre ce concept de Yann Brossa. De oui, Romero et d'Ariel Val, on. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ne veulent pas avoir des nègres. Si vous voulez. Ils n'ont pas envie. Ah. Ils disent, là, comme ils l'ont mis là, comme c'est présenté, si on les critique, on va être comme des méchants racistes. Et c'est quand même dommage. Nous, on n'est pas racistes, on est des vrais antiracistes, etc. Bon, tu connais le discours. Là, de développer tout le catéchisme souverainiste. Bah, je sais pas, tu me parlais de causeurs, donc là, moi, ce que je vois, c'est des Hébreux qui sont en train de couper des cheveux en quatre entre eux. Donc, d'un côté, il y a Yann Brossa, de l'autre côté, il y a Elisabeth Lévy, et ça discute, voilà, comment on va fabriquer des Français. Alors, l'autre dit, il faut faire comme ci, pas comme ça, on truc. On a critiqué la création de ce centre pour réfugiés plein du jour, c'est critiquer la création d'un lieu humanitaire en lui-même. Donc, voilà, ça les dérange. Donc, ils ne peuvent pas critiquer ça. Ils ne peuvent pas échapper au à ce syllogisme de mettre les gens à la rue. Oui, je pense aussi que de la part de causeur d'Elisabeth Lévy, il y a quand même l'idée de mettre, c'est quand même touchant de mettre la culture française et le Louvre à portée de main d'un Somalien qui peut comme ça devenir un futur citoyen français. Hein, ben, ce qui, voilà. En fait, cette gauche-là, gauche juive, Yann Brossa, Veil et compagnie. Et homosexuel, applique, ne l'oublie pas trop vite. Et homosexuel applique ce que préconise toute cette droite assimilationniste oui. Depuis des années. Et ils sont bien amers, parce qu'ils eux, ils veulent s'opposer. Ils veulent être le contrepoids de cette gauche plus parisienne. Oui, la droite l'a rêvé, la gauche l'a fait. Voilà, et donc ils sont emmerdés. Ah, c'est ça qui se plaint. Je vous rappelle quand même que ces braves gens ne font jamais rien pour rien. Et que ce projet va se retrouver plus que probablement dans la grande sphère de toutes les nébuleuses d'associations de différents trucs. Associations qui, chaque fois qu'elles ouvrent un dossier, reçoivent des budgets, soit de l'État, soit du département, soit des budgets européens, soit des budgets d'autres associations européennes. Soyons très clairs, les gars, ce truc est fait avant toute chose pour permettre à ces charmants Gugus de se faire un paquet de pognon. On n'ouvre pas un centre de réfugiés en plein cœur de Paris s'il n'y a pas le moyen, alors de manière claire ou détournée, de se faire de la thune. Ah oui, non, ça c'est tout à fait évident, c'est un business, hein, bien sûr. D'ailleurs, dans l'article, il y a toute une série d'associations qui sont citées. J'ai bien aimé Habitat et Humanisme, alors moi j'ai été enthousiaste. Ah oui, les noms sont fantastiques. Ah, ça c'est génial, hein. Puis y a que des juifs là-dedans, enfin il y a des juifs à tous les étages dans l'affaire, hein. T'as compris qu'est-ce qui se passe, hein. C'est absolument fascinant. Alors bon, donc ça fabrique des Français, en tout cas, à deux pas du Louvre, moi j'en suis très, très content. Alors bon, il y a des fils d'ouvriers français qui auraient sûrement été contents aussi, comme ça, de pouvoir bénéficier d'un logement à 75 euros par mois pour découvrir la culture française, qui est réservée peut-être à une certaine élite le plus clair du temps. Voilà, bah non, non, non, non, non, on a des priorités. Hein. Les Somaliens, ouais, d'abord. Moi, Gandalf, mon budget loyer, excusez-moi de parler un peu de ma petite condition, c'est environ 25% de mon budget total, en fait. Et comment est-ce que je peux faire pour juste payer 70 balles pour vivre dans la capitale, par exemple? Est-ce que c'est possible? Deviens nègre. Il faut d'abord que tu bronzes. Bah là, moi je pense que dans ce cas-là, tu vois, tu sens le privilège blanc, tu vois. C'est là que tu dois t'interroger sur ton privilège blanc. Ah non, parce que je paye quand même pas mal d'impôts, j'ai envie de dire, beaucoup trop, beaucoup, beaucoup. Donc je me suis dit peut-être que c'est possible de... Non? Non. Bon. Désolé, hein. Ou tu te convertis au judaïsme. C'est compliqué, hein, ils acceptent pas grand monde. Hein. Par contre, l'islam, non, peut-être. Non, non, mais tu as, enfin, là, les amis Brossaveil et l'autre, hein, j'ai oublié son nom, Romero, sont juifs, mais ils ont. Oui. Non, ils sont pas que juifs. Ils ont, tu as aussi une manière de devenir leur ami. Tu peux être, tu peux rentrer dans le cercle. Alors, le si truc... tu te fais agrandir le croupion, il n'y a aucun problème, ça va marcher. Ce sont des gens qui se font la bise avec l'anus. Il faut quand même le savoir. Alors messieurs, je veux rester sur la capitale française, la municipalité dirigée par Anne Hidalgo, qui pourrait peut-être d'ailleurs se présenter, hein, en 2022, on ne sait pas. L'hypothèse est prise au sérieux à l'Élysée actuellement. Et puis, puisqu'on parlait de juifs, écoutez... parlons de juifs, hein, je veux dire, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est de nos amis. C'est un ancien président de la LICRA, hein, cette organisation philanthropique juive qui cherche à défendre les valeurs françaises, justement, qui est la République, voilà, des idées fortes, et aussi à défendre la mémoire, comme vous le savez. Et je veux parler de Pierre Heidenbaum. Pierre Heidenbaum était une autorité morale incontestée, hein. Mais malheureusement, donc cet adjoint d'Anne Hidalgo vient d'être mis en examen, probablement au terme d'une conspiration d'extrême droite, mais rien n'est encore tout à fait définitif. En tout cas, il est accusé de viol et d'agression sexuelle. Alors sur une femme, hein, j'ai vérifié quand même. Sur une femme pour le coup, oui, sur une femme. Ouais. Alors, ex-adjoint d'Anne Hidalgo à Paris, Pierre Heidenbaum a été mis en examen pour viol par personne ayant autorité et agression sexuelle dans le cadre d'une information judiciaire ouverte ce vendredi, indique une source judiciaire au Figaro. Ancien adjoint en charge de la Seine et maire du 3e arrondissement de la capitale, M. Heidenbaum a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la ou les victimes et les témoins, précise la même source, conseiller de Paris. Le natif du Puy-en-Velay a également l'interdiction de paraître à l'hôtel de ville et à la mairie d'arrondissement de Paris, centre, ajoute-t-on. Donc la maire de Paris prend connaissance de cette mise en examen pour des faits extrêmement graves. Elle demande à l'intéressé de démissionner immédiatement de son mandat de conseiller de Paris, a indiqué la mairie à l'AFP. Accusé de harcèlement sexuel par une collaboratrice de la mairie, a été mis en examen après avoir été présenté à un juge à l'issue d'une garde à vue, a appris l'AFP de sources proches du dossier. Vendredi, M. Heidenbaum a pris acte de sa mise en examen. C'est magnifique, écoutez ça, hein. Il est très éprouvé par les faits qui lui sont reprochés, la souffrance exprimée, a indiqué son avocate, Maître Mo Twitou, dans un communiqué à l'AFP. Par respect pour les personnes en cause et l'institution judiciaire, il ne fera aucun commentaire et réserve l'entièreté de ses déclarations au magistrat instructeur, poursuit ce communiqué. Donc en fait, il est très éprouvé, hein, c'est comme après l'Holocauste, quoi, ils sont éprouvés, hein, ils ont beaucoup souffert. Donc, Mais c'est normal, en fait, le problème, il est simple. Les flics sont antisémites, le juge d'instruction est antisémite, les avocats de la partie adverse sont antisémites, la partie adverse est antisémite, les sapeurs-pompiers de Paris sont probablement antisémites aussi. Tout le monde est antisémite. Ce pauvre gars souffre. Vous ne vous rendez pas compte de sa situation. Moi, je m'en rends compte. Hein. Alors, qui veut partager la douleur de Pierre Heidenbaum qui touche un peu trop près les Chicsas, hein. Bon, voilà. Bon, est-ce que c'est un crime, franchement, hein. Alors, moi, je vais quand même détonner peut-être par rapport à ça, mais... Vas-y. Avec toute cette histoire de nana, de MeToo et compagnie, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de... Ouais, mais il y a quelque chose qui dit dans son communiqué qui est quand même, je vois ce que tu veux dire, tu vois, mais je t'arrête quand même, puisqu'il dit quand même, il est éprouvé par les faits qui lui sont reprochés et la souffrance exprimée. Pourquoi il parlait de la souffrance exprimée des victimes s'il pensait que c'était faux, que c'était complètement bidon? Il dirait que je nie catégoriquement les accusations, tu vois, ce sont... Il y a comme un demi-aveu dans ce truc-là, je trouve, moi. Non, mais si, je sais pas, si faux, c'est le numéro. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, sur l'histoire de la réserve, mais bon, un juif qui toucherait le cul d'une chicsa, est-ce que ça serait trop étonnant? Ça me... Ouais, voilà, bon. C'est-à-dire, c'est comme un nègre qui transforme une pute en compost. Enfin bon, voilà. Alors, le président de la LICRA, du coup, voilà. Là, alors, la LICRA n'a pas communiqué sur ce sujet, moi, ça m'étonne, ça. Le président local, ça de... Ah non, le boss. Ah bon? Ah, c'est un ancien boss de la LICRA, ah, attention. Voilà. Ouais, tout ça est très rigolo. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler d'Alice Coffin, qui est une conseillère de Paris... C'est du turbo-lesbianisme, quoi. C'est vraiment la lesbienne, mais cheveux courts, chemise à bretelles, vraiment, quoi. La lesbienne revendicatrice. Et donc, évidemment, elle est élue à Paris, alors, je ne sais pas exactement à quel poste. Et j'avais regardé un truc chez elle de Mediapart, parce qu'en fait, elle s'était pris à Christophe Girard, qui... avait été mouillé dans l'affaire avec Madnef, et qui, il faut le souligner, est lié à Pierre Berger et des réseaux juifs, hein, parce que c'est évidemment ces gens ne sont pas uniquement des homosexuels, ce sont des juifs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de scission entre les lesbiennes et les PD. On pourrait croire qu'ils s'entendent, QI, A+, mes couilles en ski, est totalement uni, mais pas du tout. En fait, ils se tirent la bourre entre eux pour des postes. Et tu as Hidalgo qui règne un petit peu en maîtresse entre les gays, les lesbiennes. Tu as les trans qui essaient de faire de l'entrisme. Et surtout, tu as les juifs. Les juifs qui ont la double casquette d'être très souvent PD. Oui. J'ai écouté ça chez Mediapart. C'était impressionnant parce que cette fameuse Alice Coffin, je crois qu'elle ne se rend pas compte que en France et dans le monde entier, les gens sont quand même majoritairement hétérosexuels. Et quand elle parle de l'invisibilité des lesbiennes, elle ne parle pas de l'invisibilité des lesbiennes par rapport aux hétérosexuels, mais de l'invisibilité des lesbiennes par rapport aux homosexuels. Ah oui. et c'était sidérant parce qu'elle voyait en Christophe Girard un homme blanc. c'est l'homme blanc hétérosexuel. Non. Suprémaciste. Voilà. Non, c'est une pédale liée aux juifs. Alors je ne sais pas s'il est réellement juif. Et tu vois bien qu'en fait, Madznef... Il sert quand même à beaucoup de choses parce que lui, si tu veux, il est quand même un peu trop blanc, hétérosexuel et goy. Et j'avais trouvé ça très rigolo qu'elle insulte comment la mairie de Paris de Pidolande. Bah, c'était quand même assez rigolo de voir ces lesbiennes comment foutre un peu le merdier dans cet immonde panier de crabes lesbo-sodomite qu'est la mairie de Paris. C'était croustillant. Oui, mais oui. Là on est au cœur de ça. Hein. Là, c'est là les gens découvrent un petit peu par touche. Enfin, ceux qui ne vivent pas à Paris découvrent par touche de quoi est fait la vie politique parisienne, et on se rend compte qu'en fait, ce sont des coteries sexuelles. Hein. Donc, on a, comme tu l'as très bien dit, enfin, on peut cumuler les qualités d'ailleurs, mais bon, on a la coterie homosexuelle qui a pris un poids considérable à la municipalité de Paris. Mais évidemment, les gens qui cumulent la qualité juive et homosexuelle bénéficient donc du double passeport et doublent leur réseau fatalement. Hein. Il y a le passeport pédophile aussi. Hein. Oui, il y a toute une série comme ça. Une des homosexuelles est accusée du coup pour de pédophilie. Ouais. Alors du coup, bon, Anne Coffin, qui est une folle, hein, entre nous, se dit, elle est, là, on est dans le tiré. Qui était enseignante. Enseignante à l'université catholique pendant plusieurs années. Hein. Ah, bon, là, oui. Je me dis, ah, quand même, ouais, bon, là, on va quand même la virer. Mais ça, pendant des années, elle faisait des cours de sciences politiques à l'université catholique de Paris. Oui, elle voulait imposer une forme de talibanisme lesbien. Mais non. Mais disons qu'il n'y a pas de. Au niveau du recrutement de cette université-là, c'est très large. Hein. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que quand elle a fait cette sortie, Anne Coffin. En fait, moi, je suis pas du tout, j'ai pas du tout été. Enfin, ça m'a amusé, moi, ce qu'elle a raconté. Ouais, Alice Coffin, c'était drôle. En fait, et elle nous rend service, en fait, quand elle sort ça, parce qu'elle montre qu'en fait, beaucoup de ces lesbiennes militantes sont des tarés complets, et que, enfin, leur place est en institution en réalité. Hein. Donc, elle nous rend service. Et il y a Caroline Fourest qui n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir sa grande gueule à cette tête à claque là. On dirait un Ken d'ailleurs. C'est marrant, hein, je veux dire, on dirait qu'elle est en plastique. Ils l'ont pas formolée à moitié sur les bords parce que non, mais elle a un teint cireux, tu vois, et elle a pas de rides jamais, tu vois, elle bouge pas, tu vois, elle a la même gueule qu'il y a d'il y a 15 ans, enfin, c'est assez bizarre. C'est le botox. Ouais, je sais pas, hein, mais. Et donc, comment dire, une autre survivante, non pas de l'Holocauste, mais de Charlie Hebdo, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc, elle a tenu à dénoncer Alice Coffin. Hein, ouais, c'est ça. En disant que voilà, elle essentialisait les hommes ou je sais pas quoi. Et là, ça rejoint un peu ce que tu disais, comment dirais-je, MacDav. C'est qu'en fait, Fourest est assise sur la ligne de faille, en fait. Parce qu'elle est dans les réseaux BHL, donc les réseaux ultra-sionistes de gauche que BHL contrôle depuis Saint-Germain-des-Prés. Et le réseau... Oui, et Badinter aussi, en termes de féminisme. Voilà, exactement. Donc le féminisme laïque, quoi, donc le féminisme juif, mais bon... laïque qui prétend justement tenir à distance les maghrébins les plus remuants, eh bien, elle a aussi le réseau LGBT. Hein, elle est maquée avec Fiametta Vénère depuis des années, et donc Fourest est au carrefour. Hein, donc il y a les réseaux LGBT, il y a les réseaux juifs, et puis les réseaux féministes, quoi. Et alors, évidemment, avec des gens comme Coffin, disons que Coffin, en fait, elle assume le LGBTisme radical, mais qui, en fait, est beaucoup plus répandu qu'on ne croit. Enfin, dans certains endroits, je veux dire, dans certaines facs et tout. Enfin, je veux dire, les propos de Coffin ne sont pas aussi choquants qu'ils pourraient croire pour beaucoup de folles, hein, de ces milieux-là. Hein. Et le truc que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'elle prenne cette position en public, elle est sentie nécessaire de le faire, en sachant qu'il y a quelques années de ça, je veux dire, il y a peut-être je pourrais pas vous donner la date exacte, mais il y a peut-être une quinzaine d'années, si c'est pas une vingtaine d'années, mais en tout cas, dans le début de sa carrière militante, Fourest avait organisé des événements interdits aux hommes. À Paris. C'est-à-dire qu'elle était sur la ligne d'Alice Coffin. C'était, voilà, les mecs, vous dégagez, on fait des trucs en non-mixité, voilà, des lesbiennes totalement givrées, quoi. Totalement givrées, quoi. Alors, ça m'a fait vraiment marrer de l'entendre dire, ah ouais, non, mais l'essentialisation... C'est anecdotique, mais enfin, c'est pour vous dire tous les non-dits des positions qu'on entend ici ou là. Et puis, Forest, elle est dans tous les médias. Hein. Je veux dire, c'est une des voix de Charlie Hebdo, officiellement... C'est elle qui vend l'idéologie officielle, hein, c'est l'idéologie du régime. Hein, elle vendait les FMN aussi. Hein, tout à fait, ouais, mais bien sûr. Mais voilà, et les FMN qui étaient défendus par Patrice Klugman, qui est le bras droit d'Hidalgo. Ouais. Tout ça, c'est le même milieu. C'est, hein. C'est un milieu où tous ces gens se fréquentent. Voilà, et rappelez-vous que les FMN avaient été s'exhiber à Notre-Dame de Paris. Rappelez de ça. C'était mise en scène devant l'hôtel avec les nichons à l'air et Klugman les avait défendus. Voyez, donc les types qui vous parlent de profanation, etc. machin, bon. Là aussi. Crevure juive, je crois que ça se passe de commentaires. Oui. Souvenir. Crevure juive. Enfin bon, voilà. C'est bon, on a fait un peu le tour là de la ville de Paris. Ah! À l'exception de... Là, je voulais en parler aussi, c'est quand même intéressant. Alors, c'est Valeurs Actuelles qui s'en fait l'écho, mais c'est paru, ça a été aussi discuté dans les dernières nouvelles d'Alsace, etc. Ça a été abordé aux États-Unis, ça vient d'un titre de The Daily Beast aux États-Unis qui a exhumé ce truc-là. Jack Lang est lié à Jeffrey Epstein. Alors, on a parlé des homosexuels juifs. On a parlé aussi de pédophilie, hein, brièvement, des différents réseaux qui s'agitent dans la capitale et qui contrôlent la municipalité. Alors, s'il y a bien une figure du monde homosexuel, juif et de gauche et parisien, c'est bien Jack Lang. Hein, c'est incontestable. Vous savez qu'il a la tête de l'Institut du Monde Arabe. Hein, bizarrement, là encore, contact d'orientaux. Peut-être... Surtout au Maroc. Voilà. Un petit garçon, peut-être, au Maroc. Peut-être des choses. Un juif homosexuel responsable du monde arabe. Bah, ça veut tout dire. Hein. Qui peut produire des choses comme ça. Ah, c'est miraculeux, c'est miraculeux. Je me rappelle de Jack Lang qui posait en photo avec, depuis l'Institut du monde arabe avec Notre-Dame de Paris en flamme derrière. Je sais pas si oui, il avait un beau sourire. Oui, il était très, très souriant. Alors, je lis l'article de Valeurs Actuelles. Peu de temps avant d'être arrêté puis de mourir en prison, l'homme d'affaires américain, donc Epstein, hein, d'origine juive, je le souligne, vous le savez, mais bon, a fait d'importantes donations à une association dont les dirigeants sont des proches ou d'anciens proches de l'ex-ministre français. Jack Lang n'a jamais caché ses liens cordiaux avec Jeffrey Epstein. Dans une interview accordée à France Info, il avait décrit le milliardaire américain comme une personne charmante, courtoise et très agréable. Il avait également déclaré dans le même entretien avoir vu le pédocriminel à plusieurs reprises entouré de plusieurs jolies femmes et qui n'étaient clairement pas mineures. Il s'était ensuite dit très surpris d'apprendre que Jeffrey Epstein était accusé de pédophilie. Mais les révélations du site d'information américain The Daily Beast posent question sur les liens réels qui unissaient l'ancien ministre socialiste de la culture et l'homme d'affaires sulfureux. En effet, d'après le média américain, Jeffrey Epstein a fait plusieurs donations importantes à une mystérieuse association dirigée par plusieurs proches et anciens proches de Jack Lang. Cette organisation nommée Association pour la promotion de la politique culturelle nationale menée dans les années 80 et 90 au XXe siècle. C'est le nom de l'association, ce que je viens de dire. Hein. C'est fantastique. C'est un programme à la gloire de Jack Lang. Ouais, c'est ça. Est un des trois derniers groupes à avoir reçu des fonds de Jeffrey Epstein. Il s'agit même du seul groupe français à avoir reçu de l'argent, $57,897 en 2018, de la part de Gratitude America Ltd, l'ONG appartenant à Epstein, peu de temps avant son emprisonnement et son suicide en août 2019. Oui, suicide. Miraculeux, le suicide aussi. Hein. Alors, cette découverte est d'autant plus étrange que l'association gérée par les proches de Jack Lang semble presque inexistante. Elle n'a aucun site internet et n'est présente sur aucun réseau social. D'autre part, la mission officielle de l'organisation est pour le moins vague et consiste à promouvoir les grands leaders de la politique culturelle des années 80 et 90 et leurs accomplissements. Les membres les plus haut placés de l'association sont tous liés de manière ou d'une autre à Jack Lang. Son trésorier était son directeur de cabinet lorsqu'il était ministre de la Culture. Son président était son directeur de cabinet quand il était ministre de l'Éducation. Un autre membre de l'association est toujours employé par Jack Lang. Tous contactés par le Daily Beast, y compris Jack Lang, à qui le média en ligne a envoyé un courriel, ont refusé de commenter ces informations. Il faut dire que l'actuel président de l'Institut du Monde Arabe traîne depuis des années des soupçons non fondés de pédophilie. Ça, c'est le valeur actuelle qui s'exprime. Hein. Non fondé. Ça, c'est pas fondé. Oui, voilà. Cité dans plusieurs affaires passées, Jack Lang n'a jamais été mis en cause. Celui qui a défendu Woody Allen, lui-même accusé un temps aux États-Unis. Ouais, bah, Woody Allen a quand même... Il faisait sa belle-fille. Oui, voilà. Avait toutefois co-signé en 1977 une tribune parue dans Le Monde et Libération qui défendait trois hommes jugés pour pédophilie. Le texte rédigé par l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff évoquait une simple affaire de mœurs, quand bien même les prévenus seront finalement condamnés à 5 ans de prison avec sursis pour leurs crimes sur des enfants de 12 à 13 ans. Alors, donc on reste sur la thématique juive, homosexuelle et pédérastique. Qu'est-ce que vous avez Jacqueline n'est pas bavard hein, pour une fois là, il a pas alors il dit je comprends pas, Jeffrey Epstein était tout le temps entouré de belles filles. Alors il faut quand même savoir un truc, Jeffrey Epstein ne consommait pas d'enfants hein. Il vendait des enfants, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, c'est pas des enfants. Ouais. Non, lui il était plutôt jeune fille quoi, mais jeune fille pubère, mineure, on va dire 15 ouais. 15 enfin ouais, non, c'est des nanas qui avaient chopé au lycée, je crois. C'était avant quand non, même. Pas du tout. Il ouais, avait oui. Un rabatteur juif qui s'appelle, je crois, Jean-Luc ou oui, Jean-Luc Brunel, oui, qui, oui. Qui était qui entièrement financé par lui. Et ce fameux Jean-Luc Brunel avait des bureaux à, je crois, Paris, Miami, New York et Tel Aviv. Oh là, bon, oh voilà, hein. Bah, c'est les 4 plus grandes villes du monde. Et Derek, tu parlais d'éventuels procès pour Vol Actuel si jamais ils n'employaient pas le conditionnel. Mais à ma connaissance, corrigez-moi si je me trompe, mais je n'ai pas le souvenir que Roger Olyndre ait subi quelques procès en diffamation lorsqu'il avait accusé publiquement Jack Lang d'avoir sodomisé des enfants et qu'il y en a un qui s'est retrouvé mort étouffé dans un seau de merde. Voilà. Absolument aucun. Parce qu'il y a encore 10 ans, hein, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Corral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang et un gosse a été trouvé mort. Sodomiser la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien même devant vous à 70 berges être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Oui, parce qu'il était, je pense... Lui faire un procès, ça aurait été mettre l'affaire sur la place publique et tout ce qui a voulu être, fait à cette époque-là, c'était de faire silence. L'affaire Corral, Jack Lang, a fait des pressions pour que. Donc, c'est quand même élégant. Le type lui-même disait oui, non, mais on ne va pas trop en parler, machin. Lol. Et oui. Toujours dans le même registre, Alors, je sais, on n'a jamais su, du coup, qui était mis en cause, vous savez, quand Luc Ferry avait pris la parole sur Canal+, pour les réseaux pédophiles au Maroc. Oui. On avait parlé d'un des deux. Oui, il avait été assez courageux, hein, Luc Ferry, hein, de mettre ça sur la table. Hein. Franchement, il avait été assez courageux. Malheureusement, il n'a pas donné le nom. Ça aurait été très drôle, mais ça aurait été intéressant. Hein. Tout le monde a compris de qui il s'agissait. Bah, les gens ont cru que c'était Jack Lang au départ. Donc déjà, le fait que les gens disent c'est Jack Lang, ça veut dire que le type traîne une réputation dans tous les milieux de baiseurs d'enfants arabes, en réalité, hein, c'est ça. Parce qu'ils allaient tous... Par exemple, Pierre Berger, on l'a souvent accusé de baiser des gosses. Il semble que ce ne soit pas vrai. En revanche, il organisait ce genre de choses au Maroc. Mais pour d'autres personnes. A priori, c'est ce que j'en ai compris. Bon, il faudrait le vérifier. Bon, et puis après, on n'était pas présent, donc on ne pourra jamais être définitivement sûr. Mais a priori, ce ne serait pas nécessairement son truc à lui. Mais en revanche, il organisait des fêtes, etc., où étaient conviées des personnes et où il y avait ce genre de petits plaisirs offerts, hein, à certaines personnes, quoi. Et effectivement, Douste Blasi, ensuite, le nom de Douste Blasi est sorti sur le truc. Et il n'est jamais sorti du bois en disant « Mais non, c'est pas moi, c'est des conneries, hein. ». Ouais. Par contre, Pierre Berger, je crois qu'il aimait bien manger les excréments d'Yves Saint Laurent, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Ah oui, non, je pense que ça, c'est pas... C'est intéressant de parler d'homosexualité, parce que... Des gens normaux, ouais. Voilà, des gens normaux, on parle... Bon, c'est un journal américain qui vient de sortir l'affaire, et moi, j'aimerais mettre en valeur un homme bon, profondément bon, dont on parle peu, je trouve, qui est le vice-président américain, qui a des solutions assez intéressantes pour résoudre la question homosexuelle. Il les a pas mises en pratique, malheureusement. Il n'a pas pu le... Dommage. Ouais. Choc électrique. Ben moi, j'y suis favorable aussi. Hein, mais bon, c'est... Je suis pour des méthodes orientales. Ah. Ouais. Plus malienne, peut-être. Non. Ça serait plutôt du côté de la Syrie. Ouais, Raqqa. Hein. Raqqa. Voilà, Raqqa. Ah, des vols planés, donc. Peut-être. Non, mais on critique suffisamment les musulmans, tous les... Bon, il faut quand même... Quand il y a des choses bien, il faut le dire. Il faut être impartial. Moi, je reste norvégien. C'est sibyllin. En Norvège, jusque dans les années 80, ah oui. on pouvait trépaner les homosexuels qui étaient considérés comme des malades. Ouais, mais... Moi, Raqqa, je trouve que c'est marrant, quoi. Ah, sérieux? Ah, le spectacle visuel est plus drôle, ça c'est clair. Il y a un côté fun, tu vois, que tu vois, on leur a mis un peu trop la tête sous l'eau aux mecs de l'État islamique. Hein. Je veux dire, ils étaient quand même partageurs. Je veux dire, les mecs, ils voulaient quand même en mettre de l'ambiance. Hein, je veux dire, ils pensaient pas qu'à eux. Hein, je veux dire. Pff. Non, mais il y a un petit côté artistique. Hein. En plus, les types, des fois, ils faisaient des fuzzberries. Enfin, c'était intéressant. Ah non, il y avait des... Non, mais il y a la scénarisation et tout, tu vois. Il y a la petite musique. Et moi, j'en ai... Non, mais j'en ai visionné des vidéos comme ça. Bon, un titre purement documentaire, hein, bien sûr. Hein, c'est mon boulot. Mais je dois dire que, vous savez, des fois, vous regardez des trucs parce qu'il faut les regarder, vous voyez. Puis il y a des trucs, vous les regardez. Et puis vous vous détendez en même temps que vous les regardez. Et ben, je dois dire que les productions de Raqqa, il y avait des trucs pas mal. Moi, je vois très bien chanter Bilal Hassani sur un air de I Believe I Can Fly. En feu, je fais de toi Raqqa, c'est vrai que ouais, c'est pas mal. Non, mais bon, des fois tu t'interroges, hein, si on te met devant l'alternative l'État islamique ou Bilal Hassani, moi je vous dis, je n'élaborerai pas davantage, mais. Voilà, parce que Bilal Hassani vous mène vers Jack Lang, hein, et le monde arabe, ah, oui. L'institut du monde arabe en tout cas. Donc, bon. Voilà, tout ça est très oriental, vous trouvez pas? C'est, au fond, c'est très... Bah, c'est le marigot parisien, là, de l'oriental, du juif, du pédé. Ouais, du levantin, ouais, du... Et, ouais, le résultat, hein, c'est... Mais on pourrait revenir à des systèmes beaucoup plus français. Il y a des tas de choses qu'on a perdues. La roue, par exemple, c'était quelque chose de très sympathique. L'écartèlement, c'est pas mal non plus. C'est vrai qu'on avait des savoir-faire. Du temps de la monarchie, il faut peut-être y réfléchir. Alors, du coup, un truc intéressant, donc, c'était sur CNews, lors de l'émission Face à l'info. Donc Éric Zemmour était interrogé, enfin il participait à l'émission, quoi. Et alors le sujet de Epstein-Jack Lang arrive sur la table. Donc Zemmour, il est confiné, je crois, mais il répondait depuis chez lui, quoi. Et alors on me pose la question, est-ce que ce n'est pas, donc les révélations sur Jack Lang et ses liens avec Epstein, est-ce que ce n'est pas l'état profond qui fait que l'affaire Epstein n'explose pas ? Ah, Zemmour a une réponse intéressante, je trouve. Je n'ai pas suivi cette affaire. Donc, l'état profond, c'est plutôt la haute fonction publique. Je ne vois pas trop le rapport. le juif. Depuis tout à l'heure, on parle quand même de tout un tas d'élus, d'adjoints de ci, de là, de Jack Lang, qui sont des postes de responsabilité en France. Epstein, c'était avec des politiques étrangers, mais les deux s'imbriquaient. Il voit pas le rapport. Il voit pas le rapport avec l'état profond, en sachant qu'Epstein était... Lunettes, peut-être. Là, c'est une opération du Mossad, hein, à la base, mais Epstein, hein, c'est ouais, du... Il voit souvent beaucoup de choses, et là non. Bah, il voit pas le rapport. Il voit pas le rapport. Mais alors, je sais pas, il est peut-être sincère, pour le coup, mais... Goldanel voit peut-être pas le rapport non plus. Hein. Oh non, lui, oui, Goldanel ne verra pas le rapport, mais ouais, c'est intéressant. Une forme de myopie. Est-ce que Damien Rieu voit le rapport ? Parce que bon, ouais, Jack Lang est un homme de gauche, donc possible, non ? Non. Bah eux, ils sont. Ouais. Mais en même temps, comme Israël, comment dirais-je, c'est quand même le bouclier de l'Occident et qui défendent les chrétiens, notamment face aux Azéris. Je pense qu'il faut savoir aussi, tu vois, il faut savoir un peu la mettre en veilleuse, quoi. Et puis surtout à Paris, tu vois, on a quand même des gens comme Elisabeth Lévy avec Causeur qui se plaignent quand même qu'on donne pas assez d'appartements près du Louvre à des Somaliens pour en faire des Français. Donc, tu vois, je veux dire, les Juifs font quand même des efforts pour... Ils se plaignent de ne pas pouvoir le critiquer parce qu'ils sont pas racistes. Ils aimeraient bien critiquer, mais ils ne peuvent pas, c'est ça. On aimerait, hein, mais non, on peut pas. Ils nous attendaient un piège, disons. Ça, c'est le point de vue de la presse juive de droite, tu vois. Et puis, tu as le point de vue juif de gauche, mais on le fait quand même. Ah, d'accord, ok. Ok. Et Damien Rieu dans tout ça, je sais pas. Bah écoute, de loin, loin, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai regardé ça vite fait. Damien Rieu, bon, je suis un peu son évolution parce qu'il vient du mouvement identitaire. Il incarne plus ou moins officiellement la voix du mouvement identitaire auprès du Rassemblement National et pour les médias. En fait, il parle que de Tariq Ramadan. Mais alors, quand on a parlé de Jeffrey Epstein, parce qu'il est là, oh, mais Tariq Ramadan, il prêchait et tout, la lapidation pour les femmes adultères. Bon, en Arabie Saoudite, un régime wahhabite dur, il la pratique tous les combien de temps, je veux dire, la lapidation, je veux dire, c'est pas, voilà, ils la font une fois de temps en temps, bon, tu vois, donc, si même en Arabie Saoudite, ils la font à dose homéopathique, bon, en France, voilà, bon, mais bref, apparemment, c'est un vrai sujet, quoi, la lapidation des femmes par les musulmans proches de Tariq Ramadan. Mais alors, quand on s'intéresse à Tariq Ramadan, en fait, c'est un lampiste, Tariq Ramadan, par comparaison à un type comme Epstein, je veux dire, c'est microscopique. Tariq Ramadan, c'est un playboy, il aime baiser, et il prêche son truc. Bon, ça fait marrer tout le monde, mais voilà. Alors après, c'est un radical sans... Bon, enfin, je vais pas m'attarder sur son cas, mais voilà. Mais quand on fait la comparaison avec Epstein, où le type, c'est un proche de tous les hommes les plus puissants du monde occidental, il est au cœur du dispositif, il est proche des Clinton, il connaît Trump... Il arrose tout le monde de fric, y compris Jack Lang, etc. Et le gars invite des types dans sa villa, sur son avion. On sait qu'il y a des il y a des gamines, on peut dire des gamines, c'est pas des enfants de 5 ans, mais enfin bon, il y a des gamines de 14-15 ans, et voilà. que tout ça est fait pour piéger les types, pour ensuite pour les faire chanter. Et on arrive sur des nanas comme... j'ai oublié son nom, la nana qui est avec lui, là, qu'ils ont arrêté là, récemment, là, qui était sa doublure. Lucien Maxwell. Ouais, Maxwell. Bon, Maxwell, dont le père était un agent de la finance qui a été assassiné sur son yacht dans l'océan Atlantique. Bon, je veux dire, pour les mêmes fêtes, en fait, parce que c'était encore une opération, je passe les détails. Que Damien Rieu, par exemple, n'ait rien à dire là-dessus, moi, je me dis, c'est bizarre, quoi. C'est étonnant. Il y a des angles morts, je sais pas. Et bah, il voit pas le rapport, j'imagine, comme Éric Zemmour. Quoi. Il voit pas le rapport entre l'État profond et les Juifs, quoi. C'est marrant, parce qu'en plus, je crois que les premiers à avoir parlé du terme État profond, c'était, je crois, les Turcs. Et ça désignait les réseaux des données, hein, c'est-à-dire des Juifs qui ont fait en sorte que la Turquie reste un État en partie laïque, malgré l'influence islamiste. Donc quand tu grattes un petit peu, quand tu lis, je sais pas moi, les bouquins de Peter Dalscott avec la bonne lecture, tu tombes forcément sur les Juifs quand tu parles d'État profond. C'est une évidence. Et je pense que Zemmour le sait, hein. Je ne pense pas que ce soit totalement un abruti. Donc, sa façon comme ça d'esquiver le sujet, c'est quand même... Enfin, c'est juif, quoi. C'est un youtre. Voilà, on en a la certitude. Après, il n'a peut-être pas le recul sur lui-même, parce que... Oh, il esquive le four, quand même. Hein. Ben non, mais... Ben, je crois savoir que c'est... Un type qui a une vie un petit peu débridée. Voilà. Il est religieux, je crois. Oui, non, mais... Il a deux frigos, hein, alors... Voilà. Oui, il a deux frigos. Faut pas mélanger le fromage et la viande. Hein. Il est assez libéral au niveau de ses mœurs. Donc, peut-être que... Lui, il voit pas, écoute, tu serais... Il voit pas le problème. C'est permis, peut-être, par le Talmud. Mais alors, il faut savoir ça, dans certains courants kabbalistiques de la juiverie, chez les franquistes, des trucs comme ça, il est recommandé de, entre guillemets, pécher dans le cas de l'accélération de la venue du mal. Donc, plus tu fais de saloperies au Goy et au Goya, plus tu fais l'œuvre de Dieu. C'est un peu ce que disait d'ailleurs le patron de la Goldman Sachs. Hein. Il avait dit je fais l'œuvre de Dieu. En fait, il faut comprendre, il faut traduire. Je fais l'œuvre de Yahvé. Hein. Donc en escroquant tout le monde et en essayant de m'emparer du contrôle du monde occidental en totalité. Il y a là un univers mental tout à fait particulier qui n'est clairement pas l'univers de l'Europe. Hein. On est sur d'autres représentations inconscientes. Hein. On est sur le tripot oriental. Voilà, oui. Là, on est en Judée. Hein. On est en Judée. Moi, je pense que sincèrement, il ne voit pas le problème. Il est dans le truc. Oui, bah, voilà. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas l'État profond, donc je ne vois pas de rapport avec l'État profond. Et de dire, bon, quel rapport? Il fournissait les putes et la coque. Où est le problème? Quel rapport avec l'État profond? Quel rapport avec l'islamisme radical, monsieur? Je ne comprends pas. Enfin bon, tout ça est très marrant. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce petit tour d'horizon, là? Pas spécialement. Bon, c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder en public. Enfin, on peut pas. Il faudrait, nous on le fait, mais... bon, enfin... Il n'y a pas que nous qui parlons de l'affaire Epstein, mais je veux dire, dans les bons termes, c'est-à-dire avec la dimension juive, bon, là, évidemment, si vous faites ça, vous ne pourrez pas dire que vous étiez en garde à vue face à un flic et que ce n'était pas en public. Hein. Ah, si vous pissez par terre, vous risquez de ramasser avec votre langue, quoi. Ouais non, c'est quand même de la mauvaise foi parce que... L'état profond, il y en a un, quoi, mais... Non, un juif de mauvaise foi. Non, mais dans l'affaire Epstein, l'état profond qui crève les yeux, c'est l'état d'Israël. Et c'est, C'est même pas forcément l'état profond dans sa totalité, c'est surtout les réseaux baraques et haute baraque. Et il le sait très bien, Zemmour, ça. Mais bon, le juif est perfide, on le sait tous. Oui, oui, on peut le dire, oui, oui. Alors, messieurs, avant de nous séparer, je voulais quand même qu'on parle d'Hervé Rissène brièvement, pour rappeler à nos auditeurs donc qu'Hervé, pour avoir exposé justement dans ses ouvrages, hein, un petit peu ce qu'on a dit, alors de manière beaucoup plus élaborée, avec beaucoup plus de sources, c'est sûr, eh bien, il est en prison, hein, pour le faire taire, tout simplement. C'est sa troisième semaine de détention, il a été placé à l'isolement, il a écrit sur, enfin, via ses proches, hein, qui nous tiennent au courant de sa situation, on en a su un petit peu plus. Bon, il est entouré, d'après lui, il vit au milieu d'une population qui est à 97% ou 98% halogène, c'est-à-dire que, vous savez, souvent on dit oui, dans les prisons françaises, il y a 80% d'étrangers ou d'origine étrangère, et il y aurait 20% de blancs. Non, non, hein. Fleury-Mérogis, c'est une prison qui est en fait très homogène, en réalité, elle est très homogène, il y a pratiquement plus de blancs, voilà. Et il a été placé à l'isolement parce qu'il a reçu beaucoup de courriers, et là, l'administration pénitentiaire s'est dit que, visiblement, Rissène était suivi, soutenu, qu'on ne pouvait pas le considérer comme une personne isolée auquel on ne pouvait pas porter attention. Et donc, ils l'ont mis à l'isolement, à la fois, je présume, pour sa sécurité, mais aussi voilà, pour s'assurer que tout se déroule relativement bien, autant que ça peut l'être dans cette environnement-là, je sais que c'est pas simple. Il a aussi fait savoir que psychologiquement, bon, bah, il y a des hauts, des bas, fatalement, hein, bien sûr, mais que grosso modo, bon, il tient le cap et que les courriers nombreux qu'il a reçus l'aident beaucoup. Alors, je donne à nos auditeurs qui souhaiteraient lui écrire son adresse. Alors, je précise que les colis ne sont pas acceptés, qu'Hervé Rissène ne veut pas recevoir d'argent sous aucune forme, donc il vous invite à acheter ses ouvrages si vous le souhaitez. Donc j'ai d'ailleurs j'ai l'adresse de son site d'ailleurs si vous souhaitez l'acheter. C'est Hervé Rissène en un seul mot -lesLivres.com. Donc Hervé Rissène en un seul mot -lesLivres.com. Voilà, c'est un blog. Vous pouvez le trouver sur Google. Là, vous pouvez acheter ses ouvrages. Et voici son adresse. Donc, c'est Hervé Lalin. C'est son nom d'état civil. Lalin. L-A-L-I-N. Donc, comme ça se prononce, Lalin. Numéro d'écrou. 459-091. Donc, je répète. Numéro d'écrou. 459-091. Bâtiment. D3, cellule 4G05, 7 avenue des Peupliers, 91-700, Fleury-Mérogis. Donc il faut mettre son adresse au dos du courrier. Alors vous pouvez choisir ça, si vous mettez l'adresse au dos du courrier, en fait, pour qu'il soit reçu. Après, Hervé est censé vous répondre, enfin s'il le peut. Alors là, peut-être choisir, peut-être une fois, si vous n'avez pas envie de mettre votre adresse, de préciser dans votre courrier que vous ne souhaitez pas de réponse et mettre une adresse bidon au dos, par exemple. Voilà. Enfin bon, vos courriers sont attendus, ça permet à Hervé de garder le moral. Et il voit qu'il est soutenu, encouragé, et qu'il n'est pas isolé pour avoir écrit sur quand même. Une puissance qu'on a encore une fois décrite dans cette deuxième partie d'émission et qui est très active, très influente et qui n'aime pas qu'on aille s'intéresser à ce qu'elle fait. Voilà. Quelqu'un veut-il soit ajouter un truc sur la situation d'Hervé ou sur toute autre chose, sur ce qu'on a pu dire dans l'émission, une précision? Ouais, tout petit mot pour Hervé Rissène. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on pense beaucoup à lui. Et qu'apparemment, un de ses proches nous a fait savoir qu'il s'était rapproché du christianisme récemment, avec beaucoup d'humilité. Donc simplement dire que voilà, il y a beaucoup de prières qui vont vers Hervé Ryssen, et que on n'est pas physiquement avec lui, mais en tout cas on pense beaucoup à lui. Voilà. D'accord, quelqu'un d'autre ? Pas spécialement. D'accord. Bah alors, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.